Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver pour Grand Prix. C'est la première de l'année, donc évidemment, bonne année, car vous ne nous avez pas du tout vu pendant différentes choses et vous n'avez pas entendu parler de nous non plus, j'imagine. Bah, j'espère en tout cas que vous allez bien et que vous avez passé un joli mardi. Bonne année, voilà, c'est formidable, allez-y, hein, faites-vous la bise. À distance, évidemment, dans le chat, allez-y, hein, soyez heureux, c'est une nouvelle année qui débute, hein, on est le 18 janvier. De toute façon, on va vous le faire jusqu'au 31, hein, donc faut pas, voilà. Soyez préparés, ça va être n'importe quoi jusqu'au 31 janvier, bien évidemment. Et donc voilà, Grand Prix, votre émission 100% Formule 1, on est sur Next Gen Auto, bien sûr, bah oui, parce que, mon cher Franck, ça continue, il n'y a pas de raison de que ça s'arrête pour l'instant, Grand Prix. Bah oui, bonne année à tout le monde. On parle encore de 2021 en 2022, mais on va essayer de parler de plus en plus de 2022. Bah oui, la F1, ça continue. Hier, je disais à Manu, on est le 17 janvier, on est le 17 mars, parce que ça n'arrête pas de tomber, les informations. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de saison. Voilà, c'est comme le réchauffement climatique, la F1, il n'y a plus de saison. Voilà, il y en a de partout. Alors, ce soir, je porte mon polo Squid Game. C'est pas en l'honneur de Dan Fallows qui va rejoindre enfin Aston Martin au mois d'avril, mais c'est chez Alpine parce qu'il n'en restera qu'un au final. Et ça devrait être Laurent Rossi. Ah, mais je suis sûr, Laurent Rossi, tu rentres dans son bureau, il y a la musique de Koh-Lanta toute la journée. Ça n'arrête pas. C'est son programme préféré. Savoir qu'effectivement, ouais, on est sur... oui, ça marche aussi avec le film La Purge, hein, pour Alpine en ce moment, c'est assez c'est incroyable ce qui s'y passe. Rassurez-vous, elle plane, bien évidemment. On en parlera justement. L'ami Manu, qui est également parmi nous, avec une très très belle peinture de Fernando Alonso, hein, évidemment, là, on est raccord. Hein. Sa meilleure période en plus. Bonsoir à tous. Effectivement, c'était une grosse semaine pour Alpine. Il y a des choses qui doivent être officialisées, on va dire, mais on a déjà pas mal de visions sur ce qui se prépare. Et c'est effectivement, ça fait parler et ça fait s'interroger. C'est vrai que la grosse semaine chez Alpine, t'as juste un Lapros qui leur chie dessus de manière assez forte. Mais bon, peut-être à raison, qui sait. Et puis l'ami Paul qui est avec nous également ce soir, comment ça va? Salut à tous, bonsoir et bonne année à tous. Ben, ça va très bien. Est-ce que, j'espère que le décalage est un peu mieux, mais je n'ai pas l'impression. Il était temps qu'on reprenne l'émission parce que moi, un mois sans Formule 1, j'en pouvais déjà plus. Je commençais à me faire des... En voyant des gens au feu rouge dans la ville, et à m'imaginer qu'il allait y avoir un départ juste après. Je commençais à suivre les gens dans la rue en essayant de prendre l'inspiration. Donc voilà, il était temps qu'on reprenne l'émission et très heureux de vous retrouver ce soir. Et en plus, que l'actualité, en effet, est bien présente. Moi, je gueule aux gens, montez le volume et rendez-vous au premier virage maintenant à chaque fois, mais bon, ils me regardent bizarrement dans la rue, que voulez-vous. Rassurez-vous, Paul est en direct, évidemment, c'est notre correspondant depuis Pékin, puisqu'il se prépare pour les Jeux Olympiques de 2022, bien entendu. Donc voilà, hein, il est simplement prêt. Soit ce qui me dit, Paul est à l'autre bout du monde, en Belgique. Non, mais ça va quand même. Bon, c'est pas si loin, la Belgique, tout va bien. Je t'envoie bobsleigh. Le consultant Bobsleigh de Next Gen Auto, parce qu'il y a une grande couverture évidemment sport d'hiver qui sera là cette année, parce que pourquoi pas, après tout, hein, on prend les niches là où elles se trouvent, bien évidemment, et c'est important. Tromadaire qui nous dit elle plane sociale. Ah, je sens que vous allez être taquin. Ah, je sens que le chat va être taquin avec Alpine ce soir. C'est parti pour ce soir. Et c'est bon. Pas plus mal finalement d'avoir mis ça en deuxième sujet de la soirée. On va pas tout de suite parler d'Alpine, bien évidemment. On va d'abord parler de Lewis Hamilton, parce que finalement c'est un sujet qu'on a très très peu abordé. Hein. C'est-à-dire que le gars, on parle plus de Lewis Hamilton quand il ne parle pas que quand il s'exprime. On va parler de Lewis Hamilton contrairement à Lewis Hamilton, du coup. Parce que lui, on sait pas du tout où il en est, ce qu'il fait. La dernière fois qu'on a vu Lewis Hamilton, il a mis un genou par terre. C'était simplement pour se faire anoblir. Rien de plus, c'était pas sur une grille de départ cette fois-ci, mais là voilà, effectivement, Lewis Hamilton, alors on va pas se le cacher, on va pas vous faire un mélodrame de 45 minutes en vous disant, vous savez, pour Lewis, ça sent très mauvais, il est très touché. Non, on a aucune info techniquement, enfin en tout cas, moi je ne sais pas, peut-être que vous avez des contacts privilégiés avec Lewis Hamilton, pas moi. Non. Ah, Franck qui hoche la tête, c'est pas parce que tu t'habilles comme lui que, que c'est ton ami proche. Non, c'est vrai, on est tous très très inquiets et effectivement on craint beaucoup pour la présence de Lewis Hamilton en Formule 1 l'année prochaine. Pardon, cette année, puisque ça y est, on est en 2022. Oui, non, on va pas s'y faire. Mais c'est du typique Lewis, voilà, c'est pas la première fois qu'il shut down tous ses réseaux sociaux comme ça. Et là, il va le faire, à mon avis, jusqu'à ce que la FIA communique le résultat de l'enquête qui est en cours. sous la pression médiatique, on va bien dire ça, puisque voilà, il y a eu des supputations sur les dates de rendu des conclusions, sur le travail en cours. Et enfin, la FIA a parlé, a donné un calendrier. Donc, tout le monde s'étonne un petit peu du retard que ça a pris à l'allumage, malgré les vacances de Noël. Mais voilà, apparemment, voilà, les consultations ont commencé. Toto Wolff a déjà parlé en privé avec Mohamed Ben Sulayem vendredi dernier. Il y a eu une réunion aujourd'hui même avec tous les directeurs sportifs et Peter Bayer, le secrétaire général de la FIA, qui a pris la tête de la section monoplace de la FIA. Donc c'est pas du tout une mise à l'écart, comme certains ont dit, de Michael Massi et de Nicolas Tombazis, telle qu'elle serait souhaitée par Mercedes ou par d'autres. C'est simplement la réorganisation qui avait été annoncée dès l'élection de Ben Sulayem à la tête de la FIA. Donc, il ne faut pas y voir plus que ça pour l'instant, même si tout le monde se dit que la position de Michael Massi est intenable. On en discutera aussi, voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un pour le remplacer à l'heure actuelle, à court terme, au sein de la FIA. Mais voilà, est-ce que Lewis Hamilton sera là en Formule 1? Je peux vous dire à 99,9% oui, il ne va pas partir comme ça sur ce genre de choses. Je ne le vois pas, je le vois beaucoup plus revanchard qu'autre chose. Donc j'ai toute confiance qu'il sera là. Mais voilà, c'est sa manière à lui de montrer sa désapprobation de ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Ça fait parler, c'est normal. Voilà, il ne peut pas laisser passer comme ça un type de Max Verstappen qui est certes extrêmement méritant sur l'ensemble de la saison, mais qui, sur le jour J, dans les conditions telles qu'elles étaient définies, aurait dû lui revenir à un tour près. C'est ça. On rappelle évidemment que, bon, c'est vrai que beaucoup jugent un petit peu « Oh, mais il nous fait un caca nerveux, ceci, cela. » Écoutez, j'aimerais bien être à votre place et louper le 8e titre de champion du monde sur des règles qui sont sorties d'un chapeau dans les derniers tours. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'arguments, je pense, qui font que Lewis Hamilton n'a plus envie de s'exprimer actuellement. Comme je vous le disais, on ne va pas vous faire, voilà, parce que beaucoup disent « Oh mais écoutez, ça fait vendre du papier, machin, ça fait du clic ». C'est évidemment pas pour ça qu'on en parle, mais à un moment donné, quand vous avez Toto Wolff lui-même qui n'arrête pas de venir dire « Vous savez, je parle avec Lewis, il est effondré. » À un moment donné, on est obligé de traiter ça comme si c'était... voilà, c'est ça l'actu, finalement. Merci, Nitram, pour les 300 bits. C'est incroyable, merci beaucoup. Mais donc, Louis qui lui dit, ça va, il y a déjà 7 de titres. Ben, c'est vrai, de quoi il se plaint. Après tout, l'autre, il s'est emmerdé sur 22 courses, ressenti 74, et il se plaint de ne pas avoir gagné un 8e titre de champion du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Manu, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Moi, je pense effectivement qu'il y a une vraie part de son silence qui fait qu'il est en train de digérer ce qui s'est passé. Je pense vraiment qu'en tant que compétiteur, il a été marqué, il a été vraiment touché par ce qui s'est passé, parce que, il a, comme tu dis, c'est vraiment une très longue saison. La bataille a été rude dès la première course, donc c'est vraiment du 28 mars au 12 décembre. Ça a été non-stop, il y a eu un mois de pause, mais je pense que pour eux, ça a été 2 jours, quoi. Ça s'est passé super vite. Et à part ça, ça a été tout le long, c'était une bataille très rude, psychologiquement, hors-piste, en-piste. Politiquement, et c'est vrai que je pense que la perdre si près du but est finalement sur quelque chose qui n'est pas lié à lui ou même ni à son rival, mais juste vraiment à une décision de la direction de course, je pense que oui, c'est probablement quelque chose qui l'a touché, et plus que les autres choses ont pu le toucher, plus que la défaite de 2016 ou plus que d'autres difficultés qu'il a pu avoir dans sa carrière. Donc effectivement, je pense qu'il a besoin de se ressourcer. Je pense qu'il met vraiment la F1 de côté, parce qu'à mon avis... Il a besoin de penser à autre chose aussi. Hein. Ça reste quelqu'un qui a une vie, donc forcément, en dehors de la F1. Et en plus, il a souvent vie. Il a de la famille, il a des passions, d'autres choses qu'il veut faire. Donc, je pense que ça lui fait du bien aussi de se ressourcer. Et à mon avis, c'est le meilleur moyen qu'on le voit revenir le mois prochain quand ils présenteront la voiture, avec une détermination qu'on lui connaît. Après, ce qui se passe entre-temps et les multiples communications de Wolff, je pense que ça, c'est juste pour montrer à la FIA, effectivement, que c'est... Voilà, ils ont merdé concrètement, et que ça peut poser problème et que ça peut faire partir des pilotes, mais je pense que ça n'arrivera pas, et je pense même que l'absence de communication d'Hamilton n'est pas liée à ça, ou n'est pas spécialement pour ça. Ça aide aussi, et je pense qu'effectivement ils parlent entre eux et qu'ils donnent le feu vert à Wolff de communiquer dessus en faisant des espèces de menaces. Et je pense qu'au fond, de toute façon, dernier point pour moi, le plus important, c'est que je ne vois pas abandonner Mercedes à un mois du shakedown de la voiture, parce que ça donne un mois aujourd'hui. Donc ce serait à moins d'un mois en fait, et je le vois pas faire ça à l'équipe qui derrière devrait trouver un remplaçant et qui aurait forcément un accès au marché très limité et pas forcément un pilote qui serait aussi bon que Hamilton. Et s'il l'avait déjà annoncé en interne, et s'ils avaient engagé Alonso pour le remplacer, et si toute cette purge chez Alpine n'était pas dit, c'était ça Elplan alors, et voilà. Plein, c'est d'avoir la meilleure bagnole, tout simplement. Mais alors, ce qui est très fort, je trouve, quand même, avec ce silence de Lewis Hamilton, parce que, comme tu disais, Franck, c'est pas la première fois que lui joue ça, mais il n'y a pas un paparazzi, il n'y a rien, en fait, parce que tu en parlais, Manu, en général, Lewis Hamilton, voilà, les paparazzi le suivent quand même assez fortement, et on sait toujours ce qu'il fait, même si lui ne communique pas forcément dessus. Là, c'est vraiment, Paul, silence radio total. Peut-être qu'il est maintenant reclus comme dans un monastère, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il se remet, mais c'est assez étonnant. C'est sûr. Bah après, c'est vrai que, comme vous l'avez précisé, on n'a pas forcément tenu assez compte du facteur humain. On se dit, il a déjà 7 titres. Non, un titre, tous se valent, tous ont la même importance, qu'on en ait 1, 2, 7 ou 0. Un titre est un titre et ça montre à quel point il est impliqué, à quel point il en veut encore, finalement. Le fait que voilà, il ait eu ceci pour moi, parce que ça veut dire qu'il est en train de dire je reviendrai en gros, mais peut-être un petit changement à la tête de la FIA. Moi, je ne pense pas qu'ils mettent une pression directe. Je n'y crois pas du tout non plus. Je suis moi-même persuadé, comme vous, qu'il va revenir et que tout ça, c'est aussi pour faire parler un peu. Malgré tout, c'est vrai que finalement, chaque intersaison, maintenant, on va avoir droit au chapitre Lewis Hamilton. L'année dernière, finalement, il avait signé son contrat très tard. Oui. Là, il a prolongé jusqu'en 2023, mais on se demande s'il va revenir. Mais il sera là. Et pour rejoindre ce que tu as dit, Manu, c'est vrai que je ne le vois pas lâcher l'équipe à un mois de saison. En plus, on n'est pas du tout sur le scénario de Rosberg qui partait en pleine gloire. Hamilton, je pense en plus qu'il n'aura aucune envie de partir comme ça sur une fin qui n'est pas digne de son palmarès, tout simplement, et qu'il se ressource tranquillement et qu'il reviendra plus fort que jamais. Peut-être qu'il n'aura pas tout... peut-être qu'il ne sera pas satisfait avec tous les changements qu'il y aura à la FIA, s'il y en a. En tout cas, lui, c'est sûr, il sera là parce qu'il aura envie de partir pour le 8e, c'est sûr. On lui souhaite, hein, vraiment. J'espère pour lui quand même que il a envie d'y retourner. Mais voilà, après, maintenant, il a tout à fait le cas. Dites-moi, me dit dans le chat, le vrai débat ne serait-il pas Lewis Hamilton pour ou contre ? C'est vrai, pour ou contre, vrai ou faux ? Comme si, comme ça, c'est à vous de déterminer, bien évidemment. Ou One nous le dit, évidemment, Lewis ou Hamilton. À moins que ce soit déjà décidé en interne et que Stoffel soit en train de bouler son paquet en ce moment même. Alors, ce cher Stoffel, je conseillerais de faire vite, parce que c'est-à-dire qu'il doit s'envoler pour l'Arabie Saoudite dans une semaine. Il y a une saison de Formule 2 qui commence, donc autant Hamilton, il irait les planter un mois avant la présentation. Van Dorn, ce serait encore plus proche du début de sa saison, très clairement. Alors Borkowski qui nous demande la photo postée hier sur le compte de Mercedes, on voyait Hamilton entrer dans sa monoplace, c'était d'une photo actuelle ou un ancien cliché? Ancien, c'est Grand Prix. L'ancien, c'est dans le garage, voilà, donc c'est simple. De toute façon, si ça avait été vous doutez bien que si ça avait été une image d'Hamilton qui boule son baquet aujourd'hui ou hier, ça aurait fait des gros titres. Il y a juste eu une image où on a vu parler en vidéo avec les cheveux courts, et je pense que ça a été tourné après la saison. Donc j'imagine que ça date de courant d'hiver, mais après, il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc encore une fois, il communique avec lui, il communique sur lui. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème pour qu'il soit là. C'est juste, ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup une retraite des médias. Encore une fois, quand tu passes 9 mois de l'année vraiment sous le feu des projecteurs, je pense que les 3 mois qui restent, surtout quand c'est aussi malsain parfois, tu as besoin de... Enfin, en plus, c'est même pas 3 mois au final, parce que déjà dans un mois, ils sont de retour. Je veux dire, les présentations de FR prendront 2 mois pile quasiment après la fin de saison. Donc... je pense qu'ils ont besoin du peu de temps qu'ils ont tranquille pour se ressourcer. Et moi, j'y vois pas de problème. Après, c'est sûr que vu la fin de saison, ça fait parler forcément. Ce qui est normal, hein, alors, ok, ça peut faire office de teasing. Dites oui, ça peut. Effectivement, ça me paraît très fou qu'ils communiquent avec Lewis Hamilton pour finalement annoncer qu'il reste pas. Mais après, ça se trouve, la décision n'est pas prise, hein, Franck. Je crois que nous avons un truc extraordinaire. Ça a frisé. Allô la régie. Oh mais c'est fantastique ce qui est en train de se passer. Ça n'arrête pas de rebondir. J'espère. Dites-moi si vous nous entendez encore dans le chat. En tout cas, si vous m'entendez moi, hein, c'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien faire l'émission comme ça. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de souci. On peut largement la faire comme ça, cette émission. Mesdames et messieurs, j'ai décidé de prendre en otage Next Gen Auto. Mes requêtes sont extrêmement simples. Je veux 1 million d'euros en petite coupure, un hélicoptère et une Renault Safran. Déposez ça devant mon appartement et tout ira bien. Sinon, je ne rends pas le site. et j'en fais un site d'IndyCar. Et là, vous n'êtes pas prêts. Bon, blague à part, comment est-ce que je vais faire quand même pour... Hop. Petite coupure de Monopoly, bien évidemment, parce que sinon, ça n'a pas intérêt. Donc, je peux masquer les gens sur le stream, et ils n'apparaissent plus, c'est incroyable. Mais ça n'arrête pas de rebondir. Oh mon Dieu, tout explose. Allô, la régie, tout explose. Tout... Une safran de biturbo, bien évidemment. Non, mais ça, après, il dure. Ils sont censés savoir. À un moment donné, s'ils ne savent pas, ça ne sert strictement à rien. Ça va, tout revient. Regardez, incroyable. C'est fantastique ce qui est en train de se passer. Rien compris. ça vaut le coup d'avoir la fibre, dites donc. Tac, voilà. On board de cuisine. Mais non, c'est plus on board de cuisine, enfin, mesdames et messieurs. C'est ma gueule. Voilà, incroyable. C'est revenu. Et c'était tout à fait prévu, bien évidemment. J'ai donc pris en otage votre site, hein, si ça ne vous dérange pas. J'ai posé voilà, des requêtes. Il va revenir dans deux semaines, du coup, a priori, tant que sa connexion... Oui. Paul, ça se trouve, il est encore en train de parler. Il dit, y a plus d'écart qu'avant. Ah là là, le décalage a augmenté. Vraiment, t'avais perdu, on s'entendait encore tous les trois, mais on t'avait perdu, mon cher Michael. Ah bah, rassure-toi, pour les gens sur le live, ils ne m'entendaient plus que moi. Et vous étiez tout bloqué, tout frisé, mais rassurez-vous. Nous avons devisé gaiement, voilà, tout le monde est de retour, c'est fantastique. Si ça pouvait être d'arriver 8 fois dans l'émission, ça m'arrangerait. J'ai tout entendu, hein. Merde, non, moi qui pensais que nous allions être discrets, zut alors. On reviendra que quand Lewis reviendra, donc c'est sûr. Vous dire, voilà. Pourquoi est-ce qu'on est là à faire des émissions alors que lui ne prend même pas le temps d'être présent. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord. Jack Bozo qui me demande, un Hamilton plus agressif en 2022? Plus perfectionniste, je pense. Qu'il va revenir avec cette espèce de gap qu'il avait eu fin 2016 quand il s'est fait battre par Rosberg, où il est revenu en 2017, il a broyé la concurrence, et je pense qu'il va revenir dans cet état d'esprit. Après, on est sur une saison trop indécise pour dire il va y arriver, ce sera facile, mais parce qu'il y a quand même Verstappen, Red Bull en face, puis d'autres équipes potentiellement. Mais oui, dans l'idée, je pense que c'est l'état d'esprit avec lequel il va revenir. Ça dépendra vraiment de la voiture, ça dépendra aussi des clarifications que la FIA va faire avec les pilotes, parce qu'il y a aussi une réunion avec les pilotes sur la conduite en piste, l'attaque, la défense, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de points qui ont été soulevés par pas mal de pilotes sur ce qui est autorisé ou pas autorisé en piste, notamment les dive bombs de Verstappen et sa manière d'envoyer un petit peu les gens en dehors de la piste sur chaque manœuvre. Voilà, si les monoplaces sont de nouveau très proches, ce qu'on souhaite tous et on prie pour ça en 2022, ça aura aussi effectivement son rôle à jouer. Et maintenant, si la FIA dit c'est du Let Them Race, je peux vous garantir que Hamilton ne se sera pas faire comme il s'est parfois laissé faire en 2021. C'est certain. Il va venir, ça va être trop drash. Ça va être merveilleux. Pour un Nunchaku, il va penser des coups aux autres. Ça va être fantastique à regarder. Ça va être absolument génial. Non, mais c'est vrai que ça fait partie de ces petites choses, effectivement, qu'il va falloir surveiller, parce que voilà, si vous mettez des voitures et que vous les faites se battre en peloton et que vous dites que les voitures sont faites pour justement se battre plus facilement, si ça devient la foire absolue, ouais. Vu déjà à quel point ça a gueulé en 2020. Je crains quand même que si les monoplaces arrivent à se suivre de trop près, que Verstappen touche l'aileron d'Hamilton et qu'il se prenne 50 000 euros à chaque fois, quand même. Va sortir sa main. Ça va coûter cher. Non, avec les budgets capés en plus, hein, ça va être très compliqué. Nitram qui vous dit on ne peut pas prédire le classement de cette saison sauf pour Haas. Ça, je sens évidemment, encore que c'est pas sûr, mais je sens que ça va être le retour du fameux mème qui va être le classement officiel des trucs. 1, on ne peut pas, et ainsi prédire, machin, 10, Haas. Ça, on sait que voilà, ça va être le grand retour de ce genre de petites choses. C'est quand même Resta qui conçoit la Haas de cette année. Donc, ouais. Et puis, Paul dit de son prénom. Paul dit soutien de Ferrari et puis grande. Enfin, je pense que la hiérarchie du début d'année, en tous les cas, sera pas celle de la fin d'année. Donc, à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont changer. Et c'est vrai que je vois pas Haas passer la saison dans le fond de peloton comme les deux trois dernières années. Bon, on leur souhaite évidemment, parce que bon, c'est sûr que c'est pas simple pour une équipe quand on reste perpétuellement comme ça en fond de grille. Du coup, on vous parle évidemment ici de Lewis Hamilton, puisque on va pas dire que son retour, entre guillemets, est conditionné au résultat de cette enquête de la FIA. Mais en tout cas, on imagine que si communication il y a, il va peut-être le faire plutôt dans ce timing-là. Qu'est-ce qu'on pense, messieurs, justement, de cette enquête interne? Voilà, donc en gros, on est là sur un fait qui est quand même assez, on va dire, inédit par l'ampleur que ça prend. Puisque donc la FIA mène une enquête sur les événements d'Abu Dhabi pour voir qu'est-ce qui a été mal fait, si des choses ont été mal faites, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, voilà, pour un petit peu remettre à plat les choses pouvant aller de « tout a été formidable, bravo » à « Michael Mazzi n'est plus là, on a tout changé, on change toute la disposition du truc », voilà, ça, à mon avis, c'est dans ce genre de choses-là. Paul, qu'est-ce que toi, ça t'inspire de voir cette enquête qui se lance? Bah, au moins on aura une première forme de réponse. Après, il faudra voir si la FIA ne va pas aller juste s'aborder elle-même et à dire on a fait n'importe quoi. Donc j'ai la sensation, et c'est à souhaiter des améliorations pour le futur, peut-être des conclusions prises pour les futurs règlements, afin d'éviter qu'il y ait les mêmes erreurs qui se répètent, ou en tout cas que le règlement soit clairement appliqué. Maintenant, par rapport à cette enquête, j'imagine pas non plus qu'on va avoir une annonce spectaculaire ou quoi que ce soit. Je crois que ça va être simplement des tentatives d'amélioration pour la suite. Voilà. Et si, parce que vu que la FIA veut faire un espèce de grand lancement à Bahreïn avec les essais, avec les présentations de voitures, enfin faire un beau spectacle, et si finalement il n'y aurait pas les 10 monoplaces couvertes d'une bâche et le directeur de course? Et c'est le dernier, c'est le clou du spectacle. Hop, on retire et on voit qui c'est. Fantomas, évidemment. Ah, mais c'est vrai que je pense qu'ils vont peut-être potentiellement changer l'organigramme de manière à ce que le directeur de course ne s'occupe que de la course, que ce soit Mazzi ou un autre, et puis qu'à ce moment-là, laisser peut-être Mazzi sur un autre rôle si jamais il n'est plus directeur de course. Il faut quand même qu'ils prennent des décisions. Moi, je ne peux pas croire qu'il y aura une issue de type non, mais tout s'est bien passé, il n'y a eu aucune erreur de commise. Pas après que tout le monde a dit quasiment qu'il y avait une erreur de commise. En fait, ils peuvent pas s'inscrire à contre-courant de ça, en fait, et aller dire non, nous on n'a rien fait de mal, c'est vous qui avez mal compris, quoi. Donc ils seront obligés à un moment ou à un autre de soit, alors ils peuvent faire des gestes forts comme tu dis, et puis virer les responsables, mais ça serait un peu désigner un bouc émissaire et faire semblant que le système a pas de problème, soit justement dire voilà, le système effectivement a des problèmes. Et Ben Sulayem, qui semble vouloir être assez interventionniste sur la F1, peut dire, moi j'ai mis en place des choses avec mes commissions, avec Peter Bayer notamment, qui est le responsable monoplace, et maintenant, qui est le secrétaire général du sport auto aussi, du moins, et maintenant responsable monoplace, à dire, on a vu ce qu'on doit faire, et on va donc modifier des règles, ça ce sera ce qui sera communiqué dans un second temps, et dans un premier temps, on modifie la manière en fait, dont opère la direction de course, et la manière dont opère la Formule 1 en elle-même, pour à la fois ne pas trop solliciter le directeur de course et qu'il soit concentré sur ce qu'il a à faire, qu'il n'ait pas à aller homologuer un circuit entre deux courses, qu'il n'ait pas à voir des choses sur la sécurité des circuits ou des trucs comme ça, qui finalement doivent forcément être énergivores et empêcher Mazzi ou son remplaçant ou sa remplaçante d'être au niveau, quoi. Ouais. C'est hyper complexe pour la FIA. Alors il y a quelque chose à mettre au crédit de Mazzi sur cette action particulière d'Abu Dhabi, c'est qu'il avait les deux directeurs d'équipe dans les oreilles dans un moment de tension qui était absolument énorme, et tout le monde est d'accord pour dire que ça ne doit plus arriver. C'est donc, à mon avis, c'est rupture du faisceau de communication entre le directeur de course et la direction des équipes, parce que voilà, vous imaginez, c'était l'analogie que faisait Martin Brundle, je trouvais extrêmement juste, s'il y a un entraîneur de foot allait directement sur le terrain crier dans l'oreille de l'arbitre ce qu'il doit faire, quelle décision il doit prendre, pourquoi si, pourquoi ça. Non, je crois qu'on a trop laissé de pouvoir aux équipes, et c'est d'ailleurs ce que Zach Brown a dit cette semaine dans une chronique, on a trop laissé de pouvoir aux équipes et au top team, de pouvoir justement se mêler de ce genre de choses. Donc il faut que la FIA réussisse à reprendre son droit là-dessus, constater qu'effectivement Michael Mazzi a failli sur certaines procédures, même si au final l'article 15.3 lui permettait de relancer la course comme il le voulait sous safety car. Donc réglementairement parlant, techniquement il n'y a pas de faute commise de sa part. Maintenant, c'était pas le final attendu, et le fait de vouloir absolument terminer la course pas sous safety car, mais donc pour rouler, je pense que c'est effectivement à mettre à son crédit. Malheureusement, tout le monde a vu que lorsque Verstappen a changé de pneu, si la course était relancée, tout allait basculer. Donc il n'y avait même pas besoin d'attendre ce redépart pour savoir que ça allait basculer. Alors qu'est-ce que la FIA peut faire? La FIA peut effectivement faire, comme dit Manu, isoler le directeur de course. Alors peut-être pas lui enlever d'autres tâches telles que l'homologation des circuits, genre de choses, parce qu'il y a quand même besoin d'un responsable derrière, mais au moins pendant un week-end de course qui ne se concentre que sur la course, et qu'il n'ait plus d'interaction avec les directeurs d'équipe, qu'il y ait d'autres personnes pour l'épauler, des conseils sur la voiture de sécurité, des conseils sur chaque phase, voilà, qu'il y ait un panel peut-être de sous-directeurs de course qui puissent effectivement le conseiller en temps réel sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il a le droit de faire, sur ce qu'il ne devrait pas faire. Et ça, pour moi, ça me paraît extrêmement important, voilà, c'est qu'il faut qu'on renforce ça, qu'on renforce effectivement l'application des règlements et qu'on ne soit plus pollué par les messages voilà, des directeurs d'équipe. Ouais, c'est comme pareil, les directeurs d'équipe qui vont voir les commissaires sportifs à Silverstone en plein milieu du Grand Prix directement pour aller voilà, pour aller prêcher leur paroisse. Non, je suis désolé, vous ne voyez ça dans aucun sport. Quoi. Alors certes, la Formule 1 s'est fait de beaucoup d'argent, de grandes marques qui investissent des millions, des milliards sur 5-10 ans. C'est pas pour ça qu'elles ont le droit d'avoir leur mot à dire sur le règlement et sur le déroulement du règlement et du sport. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on arrive à bien séparer ça et peut-être qu'on arrivera à retrouver un certain semblant de sérénité aussi. Après, il y a effectivement beaucoup de choses à clarifier. Voilà, les constances des directions des commissaires sportifs, ça c'est pas du ressort de Michael Massi, c'est du ressort effectivement plutôt des commissaires sportifs indépendants. La constance des décisions, c'est aussi un autre volet à régler. Ouais. Donc, on retrouve un peu de sérénité cette année. C'est ça, c'est clairement ce qui est le plus important, parce qu'on rappelle que la saison 2021 va rester dans les mémoires. Globalement, ce fut un sacré foutoir toute l'année. Enfin, voilà, c'était la cour de récré pendant 15 courses entre Red Bull et Mercedes. Donc il est temps effectivement de passer à autre chose. Tu citais Zak Brown. C'est bien fait plaisir, hein, Zak Brown, là, sur sa chronique. Enfin, c'est-à-dire que, depuis qu'il arrive en F1, moi, je le voyais très, très gentil, c'est très américain. J'ai l'impression que Zak Brown, c'était un peu le motivational coach de la F1. C'est-à-dire, come on, on est meilleurs, on va y aller. Puis, soudainement, il arrive, bonjour. Tous les autres, c'est des cons. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi, point par point. Et puis, il y allait, comme ça, merci. Enfin, c'était assez fort de le voir comme ça. En même temps, on sait que Zak Brown, c'est pas le dernier niveau franc-parler. Hein, donc, ça montre la clarté de sa vision aussi sur la F1 et sur les sports dans lesquels il s'engage. Parce que finalement, il y a 4 ans, tout le monde disait que c'était juste un publicitaire qui voulait faire de l'argent sur McLaren. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, non, le mec, c'est un directeur d'équipe, un patron d'équipe, un patron de marque. Et c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait de son argent et de l'argent de son entreprise. Et c'est quelqu'un qui sait exactement où doit aller le sport. En fait, je pense que la F1 a tout intérêt à écouter Brown et ses commentaires qui sont super intéressants. Et qui montre encore une fois que ouais, il a probablement plus de lucidité que certains autres dirigeants de la F1 notamment. Petit mémo, si des gens de Liberty Media nous écoutent, quand on dit écoutez Brown, c'est avec un O. C'est le monsieur de chez Brown. Parce que Brown, lui, il va me dire que tout est formidable, donc c'est peut-être pas. Voilà, un peu d'autocritique ne fait jamais de mal, bien évidemment. On salue Roger Zabel. Oui, Manu. Après, il y a juste un truc avec Michael Masi. Il ne faut pas non plus oublier quand même que, sans en faire un bouc émissaire, il ne faut pas laisser passer toutes les erreurs qu'il a faites depuis 2 ans. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de décisions qui ont été problématiques, des enquêtes qu'il n'a pas demandé à ouvrir au commissaire. On se rappelle notamment de certains trucs au départ cette année, avec des situations similaires, voire plus aggravantes, qui ont été laissées sous silence. Il y a eu des erreurs de sécurité notamment aussi, et des choses en fait qu'il faut quand même remettre un peu dans le droit chemin, parce que on peut pas se permettre d'avoir un directeur de course qui ne soit pas au moins capable de prendre une décision similaire à celle qui a été prise avant pour le même fait. En fait, même si derrière les commissaires décident pas la même sanction pour une raison ou une autre, parce que eux ont analysé, en fait il faut au moins que Masi soit capable de se rappeler ce qu'il a fait la dernière fois qu'il y a eu un truc qui s'est présenté, et qu'il fasse la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un accrochage à tel moment, on ouvre une enquête ou non. Et on s'y tient. Et derrière, on ne fait pas genre, bah oui, en Turquie, on ouvre une enquête et on pénalise pour un accrochage sous la pluie au premier tour. Et au Mexique, on n'ouvre même pas d'enquête pour un accrochage sur le sec au premier tour. Et en plus, quand on lui demande sa raison, il dit que parce que sur le sec, c'était moins pire. Et en fait, c'est pas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a eu beaucoup. Et je pense que là-dessus, il doit, lui, s'il reste en place, retrouver un minimum de constance et en fait, tout simplement savoir un peu plus ce qu'il fait et ce qu'il a fait auparavant. Je pense effectivement qu'on ne peut pas dire mieux hein, pour Michael Masi, en tout cas pour tout ce collège des commissaires. J'avais vu, c'était One, je crois, qui mettait dans le chat, qui disait, mais de toute façon, il y aura un accord secret entre la FIA et la FIA. C'est comme ça que ça va se terminer. La FIA continuera, mais avec un moteur moins puissant. C'est, voilà, c'est un peu... Moi, j'attends vraiment une clarté totale sur les décisions qui seront prises, enfin, en tout cas sur le résultat de l'enquête. Je ne suis pas sûr forcément qu'on aura ça. N'oublions pas que les décisions qui seront prises en conséquence de cette enquête, donc l'enquête, le résultat est le 3 février, Mais les décisions qui sont prises en conséquence de cette enquête seront annoncées le vendredi du premier Grand Prix. Donc, c'est-à-dire qu'on aura potentiellement quelque chose, soit entre les deux séances d'essai, puisque maintenant elles sont toutes les deux après-midi, soit même après la deuxième, et j'y crois moyen, qui nous viendra nous dire, en fait, dimanche, il se passera ça, ça et ça, puisqu'il y a probablement des règles qui vont changer, notamment au niveau de la safety car. Donc Lewis arrivera samedi, alors. C'est ça, c'est ça. Esteban Gutiérrez veut faire la journée du vendredi. Et puis voilà. C'est ce qui, moi, me fait dire qu'ils partent quand même sur le principe qu'ils ne changeront rien. Enfin, pour moi, si, parce qu'ils ont déjà des résultats préliminaires. Je veux dire, ça a commencé. Enfin, ils commencent à voir déjà un peu à quoi ça va potentiellement ressembler. Si c'est pour nous changer des règles, enfin, s'ils l'annoncent le vendredi du premier Grand Prix, c'est incroyable. C'est parce qu'il y a un conseil mondial et qu'il faut l'officialiser, mais je pense que les équipes sont au courant avant. Ouais, ils auront le truc. Voilà. Beaucoup plus clair. À mon avis, la communication entre les équipes, la F1 et la FIA, est très, très ouverte. Je pense que tout le monde sera au courant bien avant nous. Oui, c'est dès la commission F1, tout le monde sera au courant effectivement de ce qui se passera, y compris pour un éventuel remplacement de Michael Messi. Si on aborde juste le sujet deux minutes, parce que je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus que ça, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont son expérience. Voilà, il a quand même été formé sous Charlie Whiting, donc il a quand même vu pendant un bon bout de temps ce qui se passait dans ce milieu-là. Il a pris le rôle, effectivement, ben, voilà, comme on le sait, Charlie Whiting qui est décédé en allant à Melbourne. Voilà, donc il fallait le remplacer effectivement au pied levé. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de directeurs sportifs, je dis directeur sportif, en fait c'est déjà un lapsus parce que directeur de course capable de prendre la relève. Il y a deux noms qui sont revenus dans les rumeurs là, ces derniers jours. C'est Scott Elkins qui est le directeur de course de la Formule E. Vu ce qui s'est passé en Formule 1 la dernière saison, je ne suis pas certain que la Formule 1 ait intérêt à aller chercher du côté d'Elkins, sinon je pense qu'on ajoutera une dimension encore un peu plus dramatique à la Formule 1. Et l'autre, par contre, notre nom qui ferait un peu consensus, si vraiment les équipes veulent la tête de Messi, c'est Steve Nielsen. Steve Nielsen qui a été longtemps effectivement directeur sportif de plusieurs équipes en Formule 1, dernièrement je crois Toro Rosso, avant de passer donc chez Liberty Media. Donc actuellement voilà en charge de tout ça et c'est quelqu'un de très apprécié dans le paddock. Maintenant il faut ingurgiter 180 pages de règlement sportif, connaître ça au pied de la lettre dès le premier Grand Prix à Bahreïn. Voilà, donc c'est pas évident du tout quoi. Même s'il y a des commissaires sportifs, même s'il y a pas mal de choses, il faut quand même quelqu'un qui connaisse sur le bout des doigts le règlement. Et à l'heure actuelle, Michael Messi, c'est peut-être c'est le pire d'aller quoi, on va dire. On n'a pas d'autre choix, je pense. Ouais, c'est le moins pire quoi finalement. Ça c'est le choix le plus simple. Ce qui nous propose Cyril Abitbol. Alors là par contre, je veux qu'il y ait encore les communications avec les équipes. parce que du coup, t'as Red Bull qui est oh allez, ça plaît. Yes, so you have to be very careful with what you are saying, because you know the regulation is what it is, so we are watching. Enfin, ce serait moi, je plaiderais pour que ça reste. Flavio. This is Cyril Abitbol. Cyril Abitbol, and voilà, good job and good luck. Hein. On propose Flavio Briatore. Bonne idée. Oh, ce serait formidable. Moi, j'aimerais beaucoup. Jacques Villeneuve, on le dit aussi. Lucas Di Grassi. Pourquoi pas la directrice de course de la F2 et de la F3? Mais qu'est-ce que c'est que ces idées? Qu'est-ce que c'est que ces propositions sérieuses là dans le chat? Enfin, arrêtez, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, elle a fait commissaire de course pour un Grand Prix il n'y a pas longtemps. Donc, c'était une première incursion dans le monde de la F1, vraiment en termes de commissaire en tout cas. Puis elle connaît très bien la F1. Donc, elle, potentiellement, aurait la connaissance du règlement. Et son nom, ça n'a pas été cité, mais c'est vrai que forcément, c'est un choix un minimum logique, puisque quand tu gères la F2 et la F3, tu roules, enfin, tu es tout le temps dans le paddock F1. Donc forcément, c'est quelqu'un qui aurait en tout cas les capacités après à voir ce qu'ils décideront. Ça va aussi vraiment dépendre si tu es isolé des pressions externes, comme on disait, si voilà, tu n'as plus le directeur d'équipe dans la radio à gauche et à droite, tu peux effectivement envisager quelqu'un voilà, de plus technicien, entre guillemets, et qui est vraiment là pour appliquer le règlement, et rien de plus, quoi. Il y a Rallye 50 qui propose Michael Duforest. Hein, tout à fait. Alors là, je peux dire. Alors, par contre, là, je peux dire qu'ils vont, souffrir. C'est Alpine qui va être content. Alpine va faire que des doublés. Mais alors les autres, je peux dire que ça va être compliqué. Hein. Julian Palmer, on dit. Eh, en vrai, Julian Palmer, c'est vu ses analyses sur F1 TV, je me dis que le mec pourrait faire très le très travail. Très bonne analyse sur les faits de course. Ouais. Maintenant, il est trop occupé à faire des trucs. Je vote pour Michael Duforest, moi. Moi, je parce que fois. Sinon, les safety cars sortiront que pour Fernando Alonso, Remember 2008, tout ça, machin. 13e tour, le truc improbable. Je vois Alonso qui rentre au stand. Safety car, débris. Il y a un débris. C'est dangereux. Il y a un débris, dirais-je, en pointant une vase. Je vais juste rebondir sur ce que disait Franck. Je suis désolé pour le décalage, encore une fois. Juste pour rebondir sur ce que disait Franck par rapport à Maisie. C'est vrai que le problème, si on le vire, on sait ce qu'on perd. On ne va pas forcément savoir ce qu'on gagne. Et je suis d'accord avec toi. Il vaut mieux peut-être avoir quelqu'un qui a certes fait des erreurs, peut-être beaucoup, mais qui a l'avantage d'avoir l'expérience et peut-être justement en étant mieux entouré, en ayant un règlement qui est peut-être corrigé et revu, peut-être finalement c'est la solution. Après, il faudra qu'il ait l'air un peu moins seul, parce que c'est ça le problème avec Maisie, on a l'impression qu'il est seul contre le reste du monde à chaque fois. Il faudrait peut-être voir si on ne peut pas mieux l'entourer et son expérience, qui sait, en fera peut-être un bon directeur de course à l'avenir, sait-on jamais. Alors, Vera Ikros ou Hamilton va revenir en directeur de course. Son nouveau rôle. Non, Paul dit un truc super intéressant, c'est qu'apparemment, règlement sportif, c'est qu'il aurait dû normalement être réécrit pour cette année, totalement, refondu totalement. Ça a été reporté d'un an parce que voilà, il y a eu Covid, il y a eu pas mal de choses, il y a eu beaucoup d'autres chantiers. Mais normalement, le règlement sportif de la F1 aurait dû être remis à zéro, remis à plat, réécrit totalement pour 2022, dans le but d'en enlever au moins la bonne moitié des pages. On s'est repassé de 180 pages à 90. Ça a été reporté à 2023. Bon, bah, je pense que cette année, si Michael Massi reste, je pense qu'on va le coller dans un coin aussi entre deux Grands Prix à réécrire complètement le règlement sportif pour le simplifier. Quoi. J'ai l'impression quand même, si je peux me permettre, que le Covid est devenu une excellente excuse pour les procrastinateurs. Hein. C'est-à-dire que, non, mais vous comprenez, je reporte parce que Covid, hein, c'est compliqué. Ben, je crois que c'est juste qu'ils ne voulaient pas faire un nouveau règlement sportif en même temps qu'un nouveau règlement technique. Qui est normal. C'était un peu too much de faire les deux en même temps, mais c'est vrai que dans tous les cas, il faudra y venir aussi. Ce qui est normal, puisqu'on rappelle qu'à la base, ils ont quand même créé un règlement sportif il y a maintenant longtemps, et ils n'ont fait que l'amender. Mais donc, tu rajoutes des trucs à chaque fois, et tu rajoutes. Et à la fin, ça fait un truc qui peut effectivement aussi devenir très alambiqué, et se retrouver avec des situations comme à Abu Dhabi, où globalement, on a l'impression voilà, qu'il y a des articles qui se contredisent, machin tout, mais c'est peut-être simplement parce qu'ils ont été rajoutés, bah, du coup... ça fait que c'est assez compliqué. On nous propose du Jackie X hein, dans le chat, on continue bien évidemment. Il y a Verstappen, mais oui, c'est peut-être le seul qui serait moins plus partiel que moi. Jackie Stewart aussi, il n'aime pas trop Lewis Hamilton. C'est vrai. Non, mais... Oui, mais Jackie Stewart, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime non plus. Donc, enfin, souvent, il y a des petites prises de parole qui sont là, tu dis, ah bon, d'accord, bah, écoutez, c'est compliqué quoi. Xo, instant, c'était à Imola, oui, où Raikkonen était, ouais, oui, il y a le fameux cas où, écoutez, oui, mais le règlement est écrit comme ça, mais on reconnaît que c'est con, mais en même temps, c'est écrit, enfin voilà, c'est des trucs assez, assez compliqués, hein, bien évidemment, ouais, et donc, c'est voilà. C'est clair que, comme tu dis, 20 ans ou 25 ans, je crois, le dernier réécrit du règlement, c'est que des articles qui ont été rajoutés, il y a forcément des contradictions, quoi. Si au bout d'un moment, l'article 15.3, justement, comme tu dis, permet au directeur de course de faire ce qu'il veut de la safety car, autant virer tout le reste des articles sur l'article 48.1.2 et compagnie. Quoi. Mais c'est peut-être ça, en fait, la réécriture. Il faut juste enlever les trucs qui ne servent à rien. On va se rendre compte que le règlement fait 4 pages. Non, après, c'est comme un bouquin. Ta première page, juste marqué règlement sportif de la Formule 1. Tu as remarqué ça avec le nom de l'éditeur en dessous. La première page, le directeur de course fait ce qu'il veut. Et fin, voilà, avec un glossaire. Ah, c'est le programme d'Éric Zemmour, quoi. Oh, elle va être bien cette année de Grand Prix, je vous le dis. Enfin, elle va être bien cette année, ce mois de janvier, parce qu'on va sauter à un moment donné, mais ça va être sympa. De là qui veut dire, on met l'IA d'AWS qui fait les graphes, on reste direct. Un truc qui devient improbable. À voir ce que ça va donner, mais effectivement, il devrait y avoir quand même au moins des petites modifications, des petits changements, ne serait-ce qu'à la marge, parce que ça fait tellement parler de soi. C'est-à-dire que moi, j'oublie facilement que Max Verstappen est champion du monde. Hein. C'est ça m'est complètement passé à côté. Par contre, le fait que Lewis Hamilton ne soit pas là, ça reste... C'est toujours un peu ce qu'on disait en fin de saison, c'est qu'au final, on disait, oui, le pire qui pourrait arriver, ce serait que ce soit un accrochage et tout ça, et après on avait dit non, le pire qui pourrait arriver, ce soit une erreur, et finalement... C'est ce qui s'est passé, en fait. Et on voit que ça cannibalise totalement le débat. On n'a plus de débat sportif. Enfin, il y a toujours des débats vite fait, mais concrètement, Verstappen est un champion qui est légitime. Hamilton aurait fait un champion légitime aussi parce qu'il a quand même fait une super saison. Et puis, derrière, on a juste ce débat-là de pourquoi on en est arrivé à ce que le championnat joue là-dessus. Donc, c'est vrai que le problème, c'est que la FIA a vraiment intérêt à être super transparente parce qu'en plus, les gens se disent, oui, de toute façon, ils ont fait en sorte avec telle ou telle décision qu'ils arrivent à égalité, ils ont fait en sorte que ça se joue au dernier tour en ne pénalisant pas Verstappen au début de course ou ni Hamilton, etc. Donc, ça, c'est tellement flou en fait que ça implique des suspicions qu'il ne devrait pas y avoir, parce que à aucun moment la F1 a voulu faire un complot ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste, comme je l'ai souvent dit, c'est juste de l'incompétence et pas la volonté de faire gagner quelqu'un. Il y a vraiment eu des fautes de commises en fait, tout simplement. Et sans forcément savoir ce qui va se passer non plus, ce qui va se dire en coulisses, parce qu'on ne saura pas tout, soyons clairs, il y a beaucoup de choses qui vont se dire et on ne saura pas du tout. Il y a une réunion qui est prévue aussi avec les pilotes une fois que les directeurs sportifs sont passés aujourd'hui. Il y a une réunion qui est prévue avec les pilotes, tous les pilotes, y compris Lewis Hamilton, qui devrait être présent aussi en visio. J'espère vraiment que Michael Massi sera présent à cette réunion et qu'il pourra s'expliquer aussi de vive voix face à Lewis Hamilton, si ça n'a pas déjà été fait par un coup de téléphone ou autre, et je ne pense pas, puisque Messi, comme Hamilton, est resté aux abonnés absents de toute déclaration suite à Abu Dhabi, alors que normalement, je vous rappelle qu'il fait toujours un petit débriefing de fin de course avec les médias le dimanche soir, pour expliquer pourquoi telle pénalité, telle décision et autre. Là, il n'y a strictement rien eu du tout. Et comme Lewis Hamilton, on n'a pas eu d'explication sur ses choix. Donc, voilà. Donc il va devoir ces explications-là aux pilotes, à la FIA. Et bon, je ne pense pas qu'on aura un écho dans la presse de ce qui va se dire, mais j'espère au moins qu'il sera présent à cette réunion avec les pilotes. Comme je l'ai vu passer dans le chat, c'était Bruno qui nous le dit. S'il reste, à la moindre polémique, au moindre petit truc de travers, ça va devenir intenable. Je suis convaincu que ça arrivera des bails en plus, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui va bouffer une limite de piste ou un truc comme ça. Je suis assez d'accord, tout ce qui va se passer en piste va être scruté juste pour ça et pas pour ce qui se passe en piste. Et en fait, ça risque de vraiment prendre le pas sur le sportif comme ça le fait en ce moment pendant l'intersaison. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec Bruno, pour le coup, je pense que. C'est pas une décision viable. C'est pour ça que et moi, si même les pilotes, ça laissera les fans. C'est ça. C'est que même si effectivement, comme tu le disais Paul, on sait ce qu'on perd pas ce qu'on gagne. Moi, personnellement, je ne vois absolument pas comment Michael Masi peut rester le directeur de course de la Formule 1 pour toutes les raisons qu'on vient de citer et qu'on vient d'évoquer. Parce que c'est absolument pas possible. Imaginez ne serait-ce qu'une situation façon Canada 2019. C'est la cinquième guerre mondiale. On saute la troisième et la quatrième directement. C'est plus possible. Donc c'est ce genre de choses où ça va quand même être une position difficilement tenable, à mon avis, pour la FIA. Et il va falloir prendre une décision. On va voir évidemment ce que ça a donné. Hussein qui me dit Messi viré, ça va faire bizarre. Pour moi, la solution est qu'il parte de lui-même. Non, mais après, il peut être licencié d'un commun accord. Hein, il nous quitte, voilà. Mais rassurez-vous, en bon terme. Mais il n'a pas eu le choix. Mais c'est sa décision. La question qu'on nous pose, c'est qui pense que Messi sera encore là? Est-ce que vous pensez justement que Messi sera encore directeur de course en 2022? Ou est-ce que vous pensez que ce sera quand même un fusible qui va faire sauter? Pour moi, ils n'ont pas le choix. Comme je viens de le dire, pour moi, c'est ils peuvent pas continuer avec. Ils auraient quelqu'un dans le tiroir, je dirais pareil. Mais le souci pour moi, c'est qu'ils ont personne dans le tiroir. Donc je suis pas aussi certain que toi. Vas-y, Paul. Salut les gens qui nous écoutent en podcast. Alors Paul, ce qui est merveilleux maintenant, c'est qu'on a l'image, mais on t'entend plus. Il y avait moins de décalage, mais on le t'entend plus. Ça devrait être mieux maintenant que j'ai activé le micro, excusez-moi. Ah oui, effectivement, ça peut être quelque chose de pas mal. En effet, c'est mieux. Non, j'allais dire à peu près la même chose que Franck. Encore une fois, on a vu des choses plus incohérentes en Formule 1 par le passé. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il est dans une position intenable. Ça va être difficile. Mais en attendant d'avoir vraiment quelqu'un de compétent un jour pour le remplacer, ce ne serait pas complètement surprenant non plus qu'il soit sur la grille à Bahreïn. Après, c'est clair qu'à la moindre décision un peu douteuse, un peu polémique, ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. C'est clair. Il y a PM qui me demande est-ce que ce n'est pas lui qui s'est occupé du visa de Djokovic. La violence, mais quand tu regardes le feuilleton, tu te dis oui. C'est Abu Dhabi, mais avec un visa et un joueur de tennis. Voilà, c'était à peu près la même chose. Parce que on peut imaginer aussi une solution intermédiaire qui serait que Messi reste pour le début de la saison, le temps de former quelqu'un et que cette personne-là prenne son relais au bout de quelques courses. Alors après, est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit Michael Messi qui forme son successeur? Je suis pas certain. Non, mais... Ouais. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils ont quand même quelqu'un pour le remplacer et qu'en fait, ils feront ce qu'ils avaient fait après Waiting, ils mettront quelqu'un en période d'essai. En gros, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe pas, on le vire et bon, on prend quelqu'un d'autre encore. Jean-Todd il connaît le règlement, il connaît le règlement sur le bout des doigts. Ah bah oui. J'aime bien Jean-Todd, ouais. il part de la F1 en disant, vous savez, il y a d'autres choses dans la vie. Il faut les explorer. Le directeur de course de la Formule 1. Ça. Ce coup-ci, ce n'est pas les directeurs de course qui iront appeler Todd, c'est lui qui passera dans les stands pour commencer à gueuler sur des équipes. Il va y avoir une voiture qu'il aime bien, qui va se rapprocher à l'intérieur, il va dire hey, « Eh oh, les teams passent, hein, thank you !» Sinon, la FIA peut faire un triplé et recruter Butkowski, qui vient de chez eux, recruter Prost et Abitbol, et comme ça, ils reforment le trio Renault F1. Ouais. Et ils en font un triomphe. Ah non, parce que on va en parler, c'est une très bonne transition. Mais non. Moi qui suis pour Elplan, bah non, c'est parce que si on met les trois là, les Alpines vont être disqualifiés tout le temps, ça va être insoutenable. Moi je peux pas. Quoi tu avec toi, alors comme ça, c'est équilibré. Le truc horrible, les trois vont être à dire, mais ça reste. Écoutez, ça reste un Alonso, messieurs, un petit peu de retenue. Est-ce qu'il faut vraiment le disqualifier de l'ensemble de la saison parce qu'il a mis son point dans la gueule d'un adversaire? Non. Il faut le féliciter, ça a fait Drive to Survive, enfin. Arrêtez. Il faut essayer d'être voilà, un petit peu plus calme dans ce genre de choses. Bah justement, ça tombe bien parce qu'on va... Sauf si tu as quelque chose à rajouter, Manu. Non, juste pour finir, c'était dans le chat, on dit qu'il faut un directeur de course de la Formule 1. Je rappelle quand même que le directeur de course de la Formule 1, c'est la personne... Enfin, en tout cas, qui a appliqué le règlement, qui a fait disqualifier plus de la moitié du peloton pour des histoires de consommation à Valence l'an dernier. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'amener quelqu'un qui... Après, bon, je pense que c'est le règlement qui joue à ça aussi, mais... Manu, d'un autre côté, nous, on s'était plaint ouvertement quand Michael Mesi avait dit à McLaren « si je le pénalise, lui, je pénalise la moitié du peloton ». Il n'y aurait pas eu d'état d'âme avec Scott Elkins, parce que Scott Elkins, ce n'est pas rigolo, hein. On l'a souvent vu, enfin, quand il prend la décision elle est comme ça, c'est pas gris, c'est blanc ou noir, et tu te tais. Demandez à Pascal Verlaine qui a dû perdre 14 podiums, 3 victoires et 2 pôles à cause de lui, je pense, mais effectivement. Bon, après aussi, le pauvre il se retrouve avec des situations comme Mercedes qui arrive avec les mauvais codes barres. Voilà, donc c'est tout de suite, c'est pas le même délire. C'est pas le même professionnalisme non plus. C'est un petit peu autre chose. Mais du coup, bah, on va passer à la suite parce que, bon, là, autant vous dire que bon, c'est fantastique ce qui est en train de se passer puisque c'est un petit peu le bazar chez Alpine, semble-t-il. Moi, il semblerait, puisque donc on a annoncé le départ de Martin Butkowski. Récemment, et Alain Prost a appris via les médias qu'il n'allait donc pas continuer chez Alpine non plus. En tout cas, il avait dit qu'Alpine aurait dû communiquer, mais finalement ce sont les médias qui l'ont appris. J'avais vu ça sur les réseaux sociaux, bravo à David Ebrivio qui passe entre les mailles du filet, lui, mais alors dans la détente la plus totale, parce que... pour l'instant non, mais je pense que Laurent Rossi n'est pas encore au courant que Brivio travaille pour lui. C'est personne. C'est qui l'Italien là? Attendez, parce que... Toujours quelqu'un. Attendez, parce que je viens de passer les bureaux là. Il y a une Suzuki au mur là. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que ça fait là? Je comprends pas. Il y a un portrait. Mais c'est pas Valentino là aussi, c'est Laurent Rossi. Je me suis trompé. Oh, bah, je m'en vais, pardon. Il va regarder les dates d'embauche. En fait, tous ceux qui ont été embauchés à l'époque où c'était Abitbol, ils vont se faire virer avant lui, tu vois. David Ebrivio. Ouais. David Ebrivio. C'est pas moi qui l'ai recruté. Je n'ai jamais vu cette personne. Parce que, effectivement, bon, voilà, David Ebrivio, on vous rappelle, pour vous qui gérez quand même un site sur la Formule 1, on a plus eu affaire à des déclarations de David Ebrivio sur la moto que sur la Formule 1 en 2021. La dernière fois que Laurent Rossi a vu Ebrivio, c'était à la télé quand il était sur un Grand Prix MotoGP, justement. Parce que franchement... Il a fait le même avec DiCaprio qui est comme ça, qui dit « Je le connais !» Il travaille pour moi, normalement. Brivio, les seules déclarations qu'on avait, c'était dans le communiqué de presse officiel d'Alpine le samedi. Parce que quand il y a un bon résultat, un mauvais résultat, le dimanche, c'est Rossi, et le vendredi, c'est Perman. Et c'est les seules déclarations qu'on a eues. Je pense qu'on a dû un peu canasser cette personne, qui n'a pas eu d'interview de lui nulle part. Je n'ai vu aucune interview de Brivio pendant la saison nulle part. Sur ce qu'il faisait chez Alpine, c'est effectivement le fantôme. Donc pour l'instant il passe à travers les mailles du filet, mais bon, il aurait dû avoir une communication officielle, puisque d'après Alain Prost il aurait dû y avoir une communication qui devrait sortir, je ne sais pas quand, sur la réorganisation d'Alpine. Donc Est-ce que Brivio fera partie de la charrette aussi ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, il doit se tenir à carreau dans un coin, prier pour que les gouttes passent à côté. Parce que voilà, s'il est reparti du MotoGP pour arriver en F1, j'ai dû demander où est-ce que je suis tombé? Où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce que j'ai fait? Mamma mia, qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Et non, c'est vrai que c'était annoncé comme The Recrutement, et finalement, on ne l'a pas entendu de l'année, quoi. Ben oui. Ce que j'allais dire, c'est qu'ils l'ont recruté en février comme la méga star, genre ce sera notre directeur, c'est le mec qui fait gagner Suzuki en MotoGP, il sait comment faire pour faire évoluer un programme et tout ça. Et deux semaines plus tard, il y a eu la présentation de la 521, et en fait, c'est Rossi qui a pris la parole. Et de ce jour-là, on n'a plus vu Brivio, il a été, comme tu dis, quasiment mis au placard, quoi, alors que c'était vraiment totalement en contradiction. Et en fait, on dirait qu'au moment où Rossi a pris un peu la main, parce que on sait que l'hiver a été géré un peu par Demeo avec justement tout ce qu'ils appelaient la Renaultution et puis le fait que Alpine est vraiment en sport auto. Et du moment où Rossi a pris les devants, en fait, on a l'impression qu'il a finalement décidé de ne pas laisser d'héritage à Pitbull, en fait. Et du coup, tout ce qui a été fait avant qu'il arrive lui et avant qu'il prenne vraiment la main, on dirait qu'il veut le détricoter et puis le refaire à sa sauce, quoi. Alors après. C'est une lutte de pouvoir. On a compris ce matin. En fait, c'est Prost qui a dénoncé Rossi, qui veut prendre la vedette, qui veut être the méga star de l'équipe. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas entendu Brivio de l'année. Voilà, Prost l'a dénoncé ouvertement, publiquement. Voilà, il dit attention sur cette personne-là. Le PDG d'Alpine Cars, qui normalement est censé quand même s'occuper plutôt de la marque automobile que de l'équipe de F1. Voilà, normalement, en toute logique. Voilà, à poste, tout le monde, mais c'est quoi le rôle de Rossi chez Alpine? Président d'Alpine. C'est ça. The Mega Big Boss. Tout, il fait tout. Il fait le café. Catering, il change les pneus, il change les. Voilà, il fait tout. Et d'un côté, ce que je comprends. Tino Rossi, Valentino Rossi, Laurent Rossi, il y a plein de Rossi partout. Là, il chante, il fait de la moto. Mais en fait, quand tu. Ce que je comprends pas, c'est que si tu décides de dire, voilà, en gros, Alpine, c'est mon empire et je serai le seul à la tête, tu recrutes pas un mec comme Zaffnauer, parce que Zaffnauer prend de la place. Zaffnauer a des idées de management qui sont hyper arrêtées. Et je pense que s'il le recrute, c'est qu'il sait aussi qu'il a besoin de quelqu'un quand même à la tête de l'équipe de F1 et en tout cas dans l'opérationnel. Donc moi, j'y vois plutôt vraiment un problème où il voulait juste plus l'ancien organigramme, quoi, tout simplement. Attention, Manu, les rumeurs d'arrivée de Zaffnauer ne sont qu'un ramassis d'idioties sur des spéculations infondées. Cette personne très fiable a démenti. Voilà, on rappelle que le jour où Otmar Zaffnauer a démenti cela, c'était donc le jour où il a signé son contrat Alpine, très certainement. Prost lui-même annonce l'arrivée de plus ou moins entre lignes de Zaffnauer dans les jours qui viennent, puisqu'il a lui-même confié à l'équipe. Voilà. Après tout, il se fait virer comme ça, comme un malpropre, sans respect, comme il le dit. Il a tout à fait raison là-dessus. Je suis vraiment très déçu de la manière dont ça a été fait. Voilà. Après, Prost a aussi eu sa part de gloire. Voilà. Il y a beaucoup qui m'ont dit c'est bien, Prost reproche à Rossi ce que les propres employés de Prost Grand Prix reprochaient à Alain Prost. Voilà. Donc, faut pas l'oublier non plus. Hein. Alain Prost a aussi eu un petit peu son ego très très centré sur lui-même par le passé. Donc est-ce que tout ce qu'il dit est à prendre pour argent comptant? Il y a toujours un côté pile, un côté face, mais comme on l'a vu avec Manu, comme il l'a dit, c'est qu'effectivement Brivio n'a rien dit, Alan Permanent, parce que permanent peut-être, hein, on ne sait pas s'il va rester, pareil, on l'a beaucoup moins entendu. Pas mal. Mais voilà, est-ce que Alan Permanent restera là encore? À voir aussi. Voilà, mais bon, je pense qu'il y a vraiment un fond de vérité sur le fait que Rossi veut prendre toute la place. Si Rossi recrute bien Zaffnauer, effectivement, comme tu dis, Manu, je m'attends à des. Alors, ou c'est un choix, voilà, c'est le choix de Rossi, c'est Zaffnauer qui arrive et du coup, il n'y a pas de souci, c'est Zaff qui gère les affaires. Soit Rossi fait un peu comme le père Stroll chez Aston, Zaff s'occupe de la petite cuisine, la petite. Voilà, et le reste, c'est Lawrence, Stroll ou Rossi qui parle, quoi. Honnêtement, je pense que si c'est la vision. De Laurent Rossi, parce que donc globalement c'est tous ces propos viennent d'une interview qu'a fait Alain Prost, qu'a donné Alain Prost au journal L'Équipe et aussi à son post Instagram qui a été extraordinaire hier. Enfin, après il échangeait en plus avec les gens, c'était formidable. T'as quand même des gens qui ont commencé à discuter avec un cadre champion du monde de Formule 1 de sa tambouille interne, hein. C'était merveilleux. Mais en fait, Otmar Zaffnauer est peut-être justement la personne impeccable, parce qu'on vous rappelle, il était avec Vijay Mallya au début, donc bras droit de Vijay Mallya, mais donc toujours sous cette grande autorité, et pareil avec Lawrence Stroll. Donc finalement, c'est peut-être quelqu'un qui marche très bien dans ce genre d'ambiance, Manu. Ça, savoir, c'est vraiment ce qu'on appelle le go-to guy, c'est-à-dire c'est le mec qu'on envoie au front, et puis on sait que le président ou le PDG ou le propriétaire sait que Zaffnauer est là justement pour défendre ses intérêts et qu'il sait gérer toute une équipe. C'est-à-dire que Zaffnauer a quand même fait des miracles, et ça on ne peut pas lui enlever, avec une équipe Force India qui était à l'agonie au niveau du budget. Il a réussi à recruter les bonnes personnes pour développer une voiture qui avait un châssis qui avait 3-4 ans. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, au moment où il y a la nouvelle réglementation de la F1 avec les voitures plus larges et les nouveaux pneus, ils ont un châssis qui date de début 2015 et ils finissent quatrième du championnat. C'est vraiment phénoménal. Et avec un budget en plus qui était à la rue, puisque l'année d'après, ils font faillite. Donc vraiment, on ne peut pas nier que Zaffnauer, au-delà de tout ce qu'il a... on peut ne pas apprécier sa communication, on peut effectivement douter de ce qu'il dit des fois. Il y a des choses qui ne vont pas, mais par contre, c'est quand même un vrai, vrai leader d'équipe. Et surtout, c'est quelqu'un qui va effectivement... savoir exactement comment partager des ressources. Les équipes ont cette année 140 millions à partager, pas plus. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui sait gérer un budget, c'est bien lui. De plus, moi, je pense que ce n'est pas un problème en fait, de changer d'organigramme. On en parlait ce matin, justement. Je disais, Mercedes a recruté Toto Wolff en 2013, au moment où tout le monde a dit c'est n'importe quoi. L'équipe semble enfin retrouver de la stabilité. Il faut réussir à justement développer. Ils ont recruté Wolff, tout le monde a dit ça va se planter. On a vu où c'est allé. Je pense que entre la préparation d'un projet, celle qui a été faite vraiment avec l'ancien organigramme alpine, et l'exécution d'un projet sous un nouveau règlement et tout ça, c'est pas étonnant de changer d'organigramme. Et je pense que Prost, on sait que, enfin moi, de ce que j'entendais, de ce que je voyais, de ce que je lisais, il avait l'air de bien s'entendre avec Butkowski. Je pense aussi que Prost a eu du mal à comprendre le départ de certaines personnes, et je pense qu'il en tient rigueur à aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il a refusé la place. Derrière, on a pour l'instant que la version de Prost. Et finalement, peut-être que Rossi a juste prévu de faire un grand remaniement qui ne plaît pas parce que Butkowski sort, Prost part et tout ça. Et effectivement, Butkowski n'avait pas l'air content non plus. Mais malheureusement, je pense que c'est peut-être juste une évolution naturelle de l'équipe. Et je ne pense pas que tout ce qu'on fait, je vois beaucoup de gens qui diraient « le plan, finalement, ça ne va pas aller loin ». Si, en fait, ça peut aller loin parce que ça peut justement faire entrer l'équipe dans une nouvelle phase au moment où on démarre une nouvelle phase de la F1. Donc en soi... ça ne me paraît pas être la mauvaise idée, et Zaffnauer me semble être une bonne recrue pour ça, s'il n'y a pas ce conflit d'intérêts et si Rossi n'a pas l'ego que Prost lui prête. Surtout si Zaffnauer a El Plan de la Merco avec lui. Hein. Ça va être la Mercedes bleue, il y aura la Mercedes verte. Commencer à faire un arc-en-ciel de Mercedes, ça va être We Race as one Mercedes. Il y aura juste des Mercedes, ça va être comme Ducati en MotoGP. Chris qui nous demande quel était le vrai rôle de Prost. Il était directeur non exécutif. Donc en gros, c'était le rôle qu'avait le regretté Niki Lauda chez Mercedes avec moins d'interventionnisme. Quoi. C'est un peu, si on veut vraiment le définir simplement et rapidement. Un porte-parole, ouais, c'était la parole. C'était c'est ça en fait le souci, voilà, c'est qu'en gros. Ça reste en fait quelqu'un qui a une parole qui est très importante, quand même quadruple champion du monde de Formule 1, donc bon, le monsieur pèse un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pour ça que voilà, c'est la personne qui ne vaut mieux pas froisser, et autant vous dire que là, il a été plus que froissé, Alain Prost, très clairement. De toute façon, Prost et Renault, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour, hein. C'est amour-divorce. Hein. Ah bah. Sûr que c'était pas à l'époque, hein, c'était pas les Prost Renault, hein, c'est pas Jacques Chirac n'est pas venu dire faites-le pour la France avec Renault, il a dit avec Peugeot, voilà. Peut-être que c'est ce qui lui restait. Puis il pouvait pas bosser avec eux, mais voilà, c'était quand même lui pour le coup, c'était finalement dans toute l'organisation celui qui prenait le plus de place. Hein, la Prost, on le voyait régulièrement sur les Grands Prix, on l'entendait surtout régulièrement sur les Grands Prix, beaucoup plus que David Ebrivio. Si vous avez vu d'ailleurs David Ebrivio quelque part, n'hésitez pas à nous contacter. Parce que, on aimerait un numéro vert. Oui, parce que cet homme. Appelez le 456. Voilà, parce que nous, on ne sait pas. Donc, on commence à être un tout petit peu inquiet pour sa sécurité. Si vous le voyez avec des gens habillés en bleu et en jaune fluo, rassurez-vous, c'est Suzuki, il ne faut pas s'inquiéter. C'est la famille. Mais même Butkowski, finalement, on le voyait. On l'entendait très peu. Pas ouais. Tant que ça. Hein, donc, c'était vraiment Alain Prost qui avait la parole dans cette équipe. Prost avait l'air quand même très proche de la filière jeune pilote aussi, parce qu'il avait l'air de faire beaucoup conseiller et mentor avec les jeunes. On l'a beaucoup entendu parler d'Antoine Hubert à l'époque, de Piastri plus récemment. Mais il prenait pas, enfin moi quand je vois les autres directeurs non exécutifs ou consultants, parce que finalement il avait un peu ce rôle-là au départ aussi, que ce soit bah, justement Lauda chez Mercedes, Helmut Marko chez Red Bull, c'est des gens qui vraiment sont hyper au devant de la scène. Et malgré tout, même si Prost était parfois devant, parce qu'en en fait je pense qu'il y avait aussi ce côté... Bah, quadruple champion du monde, mec hyper expérimenté, il attire les interviews, mais les communications officielles n'étaient pas tant avec lui dedans. Et je pense que il y a quand même vraiment ce... Je pense que tout l'organigramme, encore une fois, made in Bitbull, a été mis en retrait par Rossi en 2021 avec l'objectif de le changer en fin de saison. Quoi. C'est vrai que finalement, c'est pas bête aussi. Il faudrait... Un Zaffnauer est peut-être bien aussi la bonne recrue pour aller faire ce défi, en fait, et cette bataille des mots, parce qu'on l'a vu, la saison 2021 de F1, c'est certes Hamilton contre Verstappen, mais c'est plus Toto Wolff contre Helmut Marko et Christian Horner. Si Alpine vient jouer le titre dans les prochaines années, Paul, il faut effectivement peut-être quelqu'un qui aurait cette poigne, et Zaffnauer, vu comment il a défendu son équipe bec et ongles contre Renault en 2020, il a de l'expérience dans la matière. C'est clair, ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est là, à ce poste-là. Après, la seule différence, c'est qu'il n'a pas été, on va dire, si on peut émettre une raison, il n'a pas été à la tête d'une équipe qui gagne des Grands Prix ou des championnats à la régulière. Donc, comme beaucoup dans l'équipe, finalement, il aurait lui aussi la découverte de la victoire. Pour revenir au départ de Budkowski et Prost, c'est vrai que dans l'absolu, on peut se dire, bon, c'est pas eux qui conçoivent la voiture ou le moteur directement, donc ça ne veut pas dire que Alpine va faire une mauvaise saison parce qu'il ne... de changer de figure importante du projet. Malgré tout, c'est vrai que si jamais ils étaient amenés à faire une mauvaise saison, on va encore leur retomber dessus en disant qu'ils sont incapables d'avoir de la stabilité dans leur organigramme, que c'est en permanence des années de transition. Et c'est vrai que pour le coup, si Rossi veut vraiment prendre le pouvoir chez Alpine, s'ils font du beau boulot dès 2022, ça pourrait aussi en grande partie crédibiliser sa nouvelle position. Parce qu'une nouvelle déconvenue cette année, ou en tout cas une saison moyenne, et on va encore dire que voilà, Alpine ne trouve pas les solutions, ne trouve pas les hommes, et une fois qu'elle a les hommes, elle ne se stabilise pas. Donc à eux de faire en sorte que ces départs n'aient pas de conséquences sportives avant tout. Ça, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec ça, effectivement. C'est qu'ils ont besoin de... Ils ont vraiment besoin que ça marche cette année, même si ce n'est pas un miracle, mais qu'il y ait un peu plus de podium, qu'il y ait une troisième... Enfin, en tout cas, qu'ils disputent la troisième place au moins en championnat. Et qu'il soit candidat à victoire 2 ou 3 fois dans l'année, ce serait bien, parce que c'est vrai que si on repart pour une saison à lutter dans le ventre mou du peloton avec tout ce qui a été fait, même si finalement ça correspondrait au fameux plan des 100 jours et tout ça, où il y a 2022 peut encore être une saison de transition, mais on peut pas demander aux fans d'Alpine de subir une 6e saison de transition de suite, quoi. Donc il y a un moment où effectivement il va falloir qu'il y ait du résultat, quel qu'il soit, et je pense que 2022 est forcément un bon contexte pour ça. Le chat demandait aussi. Oui. le chat demandait si c'était pas aussi Fernando Alonso qui faisait le ménage. Alain Prost a pris sa défense aussi sur Instagram en disant non, qu'il est. Mais bon, quand Alonso fait le ménage, on voit que l'ambiance est pourrie à cause de lui, en fait, tout simplement. Enfin, on a vu chez McLaren qu'il y a eu plein de départs et il y a eu plein de conflits et tout ça. Et je veux dire, c'était à la radio. Dans les médias, dans les stands, il n'y avait pas de. Enfin, Alonso est beaucoup trop cash pour que ce soit fait de manière aussi insidieuse. Oui, c'est-à-dire que si Fernando Alonso doit dire aux gens vous êtes tous des cons, il le dira. C'est un petit peu le souci. Donc voilà, c'est toujours assez complexe. Bon, on l'a cité dans le chat et c'est vrai qu'on l'a vu aussi sur NextGen. La photo de fin d'année d'Alpine. Ah ben. Je suis désolé. Elle est. La fameuse photo. Mais s'il a fait. S'il l'a fait exprès, moi, c'est le. Je veux qu'il vienne dans cette émission et qu'il soit consultant. Parce qu'il parle français, il parle bien français en plus, ouais, Martin Budkowski. Il y a une place, hein, n'hésitez pas, on peut être 5, 6, 7, il n'y a aucun souci. Hein, Martin, venez, il n'y a pas de problème, le grand témoin de Grand Prix, moi je dis bravo, hein, parce que c'est merveilleux. Il pourra venir confirmer que ce n'était pas un photomontage de Franck, parce que c'est ceux dont on nous a accusés. Oui, c'est Alpine qui a fait un photomontage, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi le drama, c'est qu'en gros, on a découvert. En gros, donc, les équipes font à Abu Dhabi en général une grande photo devant leur garage, photo de fin de saison avec tout le monde qui est là. Et en gros, si vous allez voir les communications d'Alpine, Martin Budkowski est tout sourire. Franchement, sa tête, elle est à ça d'être pareille que celle de Gene Haas, qui a été photoshopée sur la photo de chez Haas. Mais il est là, tout sourire, les mains posées sur ses genoux, très content. Et puis en fait, la vraie photo, avant le petit... avant la petite modification, apparemment, c'est qu'il avait sa main qui était posée sur son truc, mais comme ça. Et donc, un mâcheur tendu. Si tout est planifié, moi je dis bravo monsieur. Non, mais c'est super. Bah, il le savait déjà qu'il partait. Ouais. Et je pense que au moment où Zaf a été signé, d'ailleurs, je pense que Budkowski il a aussi reçu son préavis et sa signification de départ. Donc il n'y a pas de surprise pour lui. Voilà, il l'a pas appris début janvier qu'il ne serait plus là. Donc oui, c'était totalement planifié. À tous ceux qui nous ont, j'en profite voilà qu'on soit du coup en live devant pas mal de nos auditeurs pour dire qu'effectivement, bah, c'était pas du tout un photomontage de Next Gen Auto puisque les photos sont comme ça depuis le jour d'Abu Dhabi, le dimanche. Voilà, j'ai même envoyé des liens directement vers notre agence XPB qui prend les photos, qui en plus prend les photos officielles d'Alpine. L'agence XPB est celle qui fournit officiellement Alpine en photo sur les Grands Prix. Et en fait, personne ne l'avait remarqué, tout simplement. Et en fait, je ne sais pas comment ça a été remarqué, mais je pense que ça a dû être remarqué peut-être parce que, je ne sais pas, Alpine, en communiquant sur le départ de Butkowski, a utilisé cette photo, a fait un photomontage. Peut-être que quelqu'un a pris cette photo au JPEG, a dû voir dans Photoshop, je ne sais pas, je ne connais pas tous les ressorts de montage. Non, ah, il y a eu une intervention de Photoshop, pourquoi? Et peut-être qu'en comparant les clichés, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui a été fait à cet endroit-là. Mais personne ne s'était rendu compte de ça. Alors, il y a 5 ou 6 photos chez XPB de cette photo de famille, effectivement. Il y a 1 ou 2 photos où, effectivement, bah, il pose normalement, parce que je pense qu'il doit quand même à dire à l'équipe, bon, voilà, je vous fais quand même vous avez quand même 1 ou 2 prises où vous n'avez pas mon doigt baladeur, mais les autres, effectivement, le doigt est clairement posé en disant, voilà, doigt d'honneur, quoi, voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez fait, quoi. Il y a quand même des photos sur lesquelles il est en train de discuter avec les gens à côté, il y a toujours le doigt qui est tendu, c'est ça. Sens qu'il est prêt à prendre la photo, mais après, de toute façon, ils étaient au courant, puisque Alain Prost a dit qu'il a reçu son offre de prolongation en tant que consultant, et directeur non exécutif à Abu Dhabi, il l'a refusé à ce moment-là, donc il savait déjà ce qui se tramait. Et M. Mullix qui demande dans le chat pourquoi un timing aussi long, il pouvait changer l'équipe dès 2021. Et justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait le risque en fait que l'équipe soit perturbée pendant le développement de la voiture et pendant tout ce travail de développement et de création du projet. Je pense que la stabilité, elle devait vraiment se faire sur une saison complète parce que la saison précédente était déjà super compliquée et qu'il ne fallait pas en plus déstabiliser tout le monde comme ça. Je vous ai mis la photo de enfin, moi ce qui est vraiment le mieux c'est le sourire tête, quoi. Il est vraiment content de sa connerie, j'aime beaucoup ouais. Il assume totalement. Après il y a aussi un autre truc qui a pu mettre la puce à l'oreille, c'est que Butkowski était plusieurs fois invité des conférences de presse de la FIA du vendredi où il y a les patrons un vendredi sur deux en Grand Prix c'est certains patrons d'équipe, le lot de vendredi, c'est les autres patrons d'équipe. Et sur les dernières courses de la saison, c'est Rossi qui faisait les conférences FIA. C'était plus Butkowski. Ça a aussi pu nous donner un peu la puce à l'oreille sur ce qui est en train de se ramener. On nous demande dans le chat, where is Brivio? Alors attendez, on va jouer à Où est Charlie avec pour trouver David Brivio. Regardez, il est au-dessus de Fernando Alonso. Il est là, David, c'est bon, on l'a retrouvé. D'ailleurs, il ferme les yeux sur la photo, mais il est présent. Vous voyez que Martin Bukowski se faisait plaisir. Mais voilà, on a bien, il y avait bien David Brivio sur la photo officielle. Ça aurait été génial qu'il soit pas là. Il arrive 5 minutes en retard. Bah alors, c'est quand la photo? On l'a prise? Ah bon? Bah, ah bon, bah, pardon. On m'a envoyé un faux mauvais timing. Ah bah non, t'as juste trompé, David. C'est bizarre. Bon, on n'a pas le temps de les refaire, attends. Alpine, il met des faux trucs. Il va être là, il va nous faire un truc. Et je suis vraiment ravi et j'ai hâte que la saison débute au Qatar avec Alpine. Ils vont l'envoyer sur toutes les courses moto, il va pas. C'est l'Alpine F1 Team. Pardon, Alpine F1 Team. Il y a des trams qui demandent Brivio sur la photo Suzuki. Du coup, non, bah, j'espère pas quand même. Là, ils ont dit, voilà, ils ont dit qu'il ne reviendra pas d'ailleurs chez eux. Donc, il est normalement, on sent qu'il va rester chez Alpine hein, cette année. S'il commence à dire que l'Alpine s'appelle la GSXR-R, faudra s'inquiéter par contre. C'est-à-dire qu'il a retourné. J'espère que Fernando va moins chuter. Vous n'avez rien compris, David. Ce n'est pas, on ne parle pas de la X-Screen sur Fantasy. Non, mais c'est vraiment. C'est une sacrée c'est une sacrée période chez Alpine. Après, ça reste le truc. Si, imaginez Alpine gagne le titre cette année, on crie au génie. Hein, donc voilà, c'est le genre de choses où, comme l'a dit Alain Prost d'ailleurs, c'est cette nouvelle organisation. Bah, il faudra 1 ou 2 ans avant de la saluer ou de la descendre en flèche. Bien évidemment, ça dépendra de ce que ça donnera. Maintenant, on est aussi dans la situation où si Alpine gagne cette année, c'est la nouvelle organisation qui en tirera les lauriers alors que le travail a été fait auparavant. Et le contraire, si jamais ça marche pas, ça sera la faute des anciens, ça sera reparti pour une saison de transition et blablabla et blablabla. Et cette année, on changera l'équipe de restauration, et l'année prochaine, on changera l'équipe du ménage, etc. C'est toujours comme ça. C'est même pire que ça commence à devenir pire que chez Ferrari. Il y a Clovis qui demande s'il gagne, ça voudrait dire que Rossi a merdé. Et non, justement, on en revient encore à ce à cette différence entre une équipe pour développer un plan et le mettre en place et une équipe pour exécuter le plan. Elle plane donc. Où justement, on aura un directeur qui sera potentiellement plus à même de le faire. Et encore une fois, comme on a vu chez Mercedes, où il y a eu 3 ans de mise en place de l'équipe, de la structure, de choses comme ça et de travail de fond par l'ancien organigramme. Et le jour où Wolff a été là, c'était pour justement mener cette équipe vers le succès et ça a été fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il aura justement, s'il gagne avec Zasnauer à la tête, ça veut dire qu'il a pris le bon choix parce que même si la saison débute très bien grâce au travail effectué en 2021, il faudra quand même emmener le projet au bout et avoir un titre de champion du monde, ça se fait rarement dès la première course. Donc, ça voudra dire que l'équipe a été menée à la hauteur de la préparation qu'elle a eue. Pour rajouter, ils ont quand même intérêt à être très très bons parce que sur le plan opérationnel, Alpine en 2021, ils ont quand même essayé très très fort. Ouais. Je veux dire qu'il n'y a pas grand chose à reprocher là-dessus. C'est vraiment du côté de la voiture que ça pêchait. Donc, la barre était déjà mise très haute quand même. C'est ça en fait. Je pense qu'on est là sur le plus gros risque. C'est le péché d'orgueil en fait de Laurent Rossi. Cette envie de vouloir à tout prix imprimer sa patte alors que l'organisation était très bonne. Même si effectivement tout le monde s'étonnait de ce côté trois têtes pensantes qui doivent gérer, enfin voilà un peu tout ça. Il y avait quand même de Brivio, Butkowski, Rossi et même Alain Prost, donc ça faisait quand même 4 personnes qui géraient le truc. Enfin, c'est de constater que ça a fonctionné. Ils ont réussi à gagner un grand prix, ils ont fini 5e du championnat constructeur avec une voiture qui a 2 ans. Voilà, il y a quand même eu des très bonnes choses de fait. Mais on sait aussi qu'à long terme, un organigramme avec trop de monde ne fonctionne pas forcément. On se rappelle chez McLaren, c'est quand l'organigramme a été assaini par Zach Brown, où justement il y a eu lui et Seidel en dessous, que les choses se sont remises à fonctionner. Et on sait que des organigrammes avec trop de monde, il y a trop de luttes de pouvoir et en fait chacun se rejette la faute. Et à l'époque où McLaren notamment avait Boullier, avait Brown qui venait d'arriver, avait même eu Jos Capito qui était passé, tout ça, ça n'a pas fonctionné parce que personne ne prenait ses responsabilités. Et je pense que Rossi a un peu peur de ça finalement, que s'il joue les titres avec une structure comme ça, qui sera en charge, comme tu disais tout à l'heure, d'aller au combat face à un autre team principal, qui sera en charge de gérer l'opérationnel d'une équipe qu'il va falloir garder motivée et au meilleur niveau. Et en fait, c'est un coup, est-ce que finalement il n'y a pas assez de monde qui gère tout ce qu'il faut gérer. Donc c'est paradoxal, mais ça peut arriver. Le truc, c'est que à la rigueur, si la hiérarchie n'est pas facilement compréhensible par le public, mais qu'elle l'est en interne, ça fonctionne. Mais ça semblait pas non plus totalement être le cas. C'est à voir. Usain Kumar et Demeo et tout ça, dans tout ça, il est venu laisser faire tout ce bordel. Écoute, Luca Demeo, il voit que l'équipe elle est bien gérée, financièrement ça tourne. Demeo, il a sauvé le programme F1 déjà, parce que si on n'était pas passé chez Alpine et si c'était resté Renault, le programme F1 terminait probablement cette année. Donc je pense que le Renault, Demeo lui doit beaucoup au niveau de ça. Ouais. Alors Chloé, souvent des exemples, en particulier sur la bonne organisation en 2021, ça se voit comment? Les stratégies. Les stratégies. Et ça se voit, et effectivement, ça se voit sur l'exploitation de la voiture. Parce que... C'était Ocon qui nous avait dit en fin de saison, il y a eu une interview avec les médias français, il avait dit, en fait, on a réussi à toujours progresser en cours de saison, c'est-à-dire que plus ça allait, plus ils comprenaient la voiture. Donc plus ça allait, plus ils étaient capables d'en tirer le maximum de performance. Et en parallèle, ils avaient des stratégies qui étaient très bonnes, des arrêts au stand qui se passaient parfaitement au tour où il fallait les passer. Et en fait, c'est ce qui faisait que quand la voiture valait une 5e place, ils avaient une 5e place. Quand elle valait un podium, ils jouaient le podium, comme en Arabie Saoudite où il le perd pour un 10e. Et voilà, et où il arrive à rester devant pour les mêmes raisons en Hongrie, parce que la stratégie est parfaite, et parce que lui est très, très bon aussi. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui fait qu'il n'y a jamais d'erreur de fait. Et si tu veux voir un exemple de mauvaise organisation, tu regardes McLaren, entre 2017 et 2019 à peu près. C'est quelque chose où non mais c'est vrai, c'est-à-dire que t'as en fait c'est la manière de faire, c'est le côté il y a un côté pragmatique. Moi je repense toujours, c'est vrai que ça sort de la Formule 1, mais ça reste McLaren, mais tout ce qui était leur tentative en 2019 aux 500 miles d'Indianapolis, c'est vous rendre compte que là on l'a su parce que Zach Brown a été tout à fait franc et a dit ok, voilà, on va vous dire tout ce qui s'est passé, vous allez voir, vous allez vous taper des barres de rire, mais pour nous c'était compliqué. Mais ça peut arriver en F1 aussi. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas la rêve, donc globalement, ils ont fait une séance d'essai, ils sont arrivés sur place, personne n'avait de volant. Je ne parle pas, il n'y avait pas de pilote, non, le volant, l'objet physique. Pour tourner, il n'y avait pas. Donc Zach Brown est allé chercher lui-même un volant chez Cosworth, c'est incroyable. Il y a eu un accident en essai, ils n'ont pas pu sortir la voiture de réserve parce qu'elle était en train d'être repeinte, parce qu'ils s'étaient trompés de nuances d'orange sur la voiture précédente. Et en essai, ils vont chercher, parce que c'est de la merde, ils vont chercher des feuilles de réglage dans toutes les autres équipes. Ils les mettent sur la voiture, sauf qu'ils ont oublié qu'eux étaient une équipe européenne et que donc les choses exprimées par les équipes américaines étaient non pas en système métrique, mais au système impérial. C'est des conneries pas possibles, mais ce sont des choses qui arrivent quand tu n'as pas une bonne organisation. Moi, je me rappelle toujours de cette image de la McLaren qui sort à une heure de la qualif, qui rentre dans le virage. Elle lâche des étincelles comme on n'en a jamais vu parce que la voiture est 100 fois trop basse parce qu'ils sont trompés d'échelle. Bah, c'est pareil, une mauvaise organisation, ça se verra sur des fautes comme ça, idiotes et flagrantes. Donc, et Alpine n'en a commis aucune, il n'y a pas eu un seul arrêt de foiré, il n'y a pas eu une stratégie vraiment foirée, alors que pourtant les conditions ont été compliquées dans pas mal de courses cette année. Et voilà, en fait, ils ont réussi à toujours... toujours quand il y avait une voiture qui était bien placée devant, ils arrivaient toujours à ce que la deuxième puisse jouer un rôle pour justement bloquer une remontée de l'un ou d'un adversaire ou quoi. Et c'était toujours super bien géré. Et en plus, les pilotes ont vraiment joué le jeu à chaque fois. Et ça, je pense que ça a été un gros, gros point fort aussi. On rappelle un aileron cassé à Monaco par Fernando. Ajouter. Vas-y, Paul. Ce que je voulais ajouter à propos d'Alpine, c'est le duo de pilotes. C'est vrai que c'est le duo de pilotes qui a fait ex aequo en qualification. C'est 11 partout. Il y a à peine un dixième d'écart sur chaque course presque, à part en début de saison où Alonso était un peu pas rentré le temps de se remettre dans le rythme. Ils ont eu un des duos de pilotes le plus homogène, ils ont chacun eu leur gros résultat sur la saison. En plus, c'est un petit peu indirectement grâce à l'autre à chaque fois, donc c'est bon prix d'équipe. On va dire qu'ils ont un duo de pilotes parfait pour une équipe qui ambitionne le titre. Peut-être que s'ils ambitionnaient le titre, il y aurait une moins bonne ambiance entre les deux. Mais entre Ocon, qui s'est un peu plus compliqué face à Ricardo et Alonso qui a réussi son retour, ils ont un duo de pilotes qui allie expérience et qui est vraiment très intéressant. Et je pense que leur bonne dynamique de 2021, pour le coup, elle peut être que positive pour l'ambiance dans l'équipe en 2022. Deux pilotes qui vont tirer dans le même sens, qui sont à des stades très différents de leur carrière, mais qui sont là pour l'équipe. Donc ça, pour Alpine, c'est très bien. Ouais, on espère quand même. Enfin, on espère. Les gens qui, comme moi, achètent des casquettes Kimoa et prient elle plein tous les matins, espèrent. Ouais, voilà. Et pour dire, ils ont fait 11 entrées en Q3 tous les deux pour voir l'homogénéité du duo. Place moyenne en course de 9,16 pour Ocon contre 9,05 pour Alonso. Et en qualification, 10,95 en place moyenne pour les deux. Donc vraiment, c'était le duo vraiment très homogène. Et Ocon disait en plus qu'ils ont un pilotage qui est très proche l'un de l'autre, ce qui permet de tout partager, les réglages, de travailler ensemble sur une voiture qui a les mêmes bases de réglage à chaque fois. Et du coup, il n'y a pas de perte de temps à savoir qu'est-ce qui vient du pilote et qu'est-ce qui vient de la voiture. Donc ça, c'est pour eux, c'est tout bénef. C'est effectivement un duo qui est capable de tirer Alpine vers le haut jusqu'à l'ultime échelon. Maintenant, voilà, tout repose maintenant sur les ingénieurs, côté moteur et côté châssis, puisqu'on rappelle que Alpine fait son propre moteur qui s'appelle Renault, puisque voilà, c'est le groupe Renault derrière. C'est donc encore un constructeur à 100%. Il faut aussi qu'on soit, nous Français, fiers de voir aussi cette représentation-là en Formule 1. Donc c'est vrai qu'on a tous un petit peu notre côté chauvin, même si on ne supporte pas forcément l'équipe Alpine en tant que telle tous les dimanches. Voilà. Mais quand elle arrivera, et on espère qu'elle arrivera de nouveau sur le devant de la scène, comme elle a pu le faire en 2005, en 2006, je pense qu'on sera tous très contents de voir peut-être sera encore Alonso et Ocon devant, et certes je pense que l'ambiance sera peut-être plus aussi rose entre les deux, mais le but c'est que ces deux pilotes là tirent dans le même sens, que tout le monde tire dans le même sens pour arriver jusqu'à cette étape là où on est sur la saison où on peut jouer le titre. Et on le saura rapidement. Je veux dire, si la monoplace est plutôt réussie ou totalement foirée, on sait très bien ce qui va se passer dans les 2-3 années à venir. Si elle est totalement foirée, ça va être 2-3 secondes de galère le temps de remonter. Si c'est déjà très bien réussi dès la première année, ça veut dire qu'on peut espérer beaucoup mieux d'ici 2023-2024. Et Usain le dit, l'ambiance sera rose. De toute façon, Franck, vu le nouveau sponsor qui viendra. C'est vrai, c'est le moment de le caser. Voilà, parce que donc. Otmar Szafnauer viendrait avec un petit BWT dans ses valises. C'est la première fois de ma vie que je vois, parce c'est qu'on la dot. On parle de pilote payant depuis depuis des années. J'ai jamais vu un team principal payant, moi, hein, mais ça pourrait donc arriver, puisque donc BWT, qui est le sponsor d'Aston Martin et qui était l'ancien sponsor titre de Force India et Racing Point, viendrait donc avec moi. J'ai tellement peur que le rouge à l'arrière de la voiture devienne du rose et que ça. Enfin bon, voilà, ce serait pas moche. Hein. Si on garde la même livrée avec du rose à la place du rouge, c'est très joli. Oui, j'ai vu des montages d'ailleurs, ça passe pas. Ça fait moins drapeau français, mais c'est très joli. Moi, j'ai un peu peur que ce soit encore pire que ça, c'est-à-dire que Alpine veut garder l'identité française, ce qui paraît logique, et que le A soit bien un bleu, blanc, rouge, mais que derrière, il y ait du rose en plus. Et là, si on a du bleu, blanc, rouge, rose, parce que c'est pareil, l'autre, le liseré rouge, c'est Mapfre, sponsor espagnol, qui lui ne voudra pas passer en rose, je pense, puisque c'est sa couleur, vraiment le rouge. Donc j'imagine que le rose sera un peu comme sur la Aston Martin, ce sera ajouté. Et je crains que ce soit assez disgracieux par rapport à la livrée de 2021. Ils vont faire, en fait, l'arrière, ça va être la Ferrari de 2021, mais ce ne sera pas rouge normal vers rouge foncé, ce sera rouge vers rose. Avec un dégradé des. WT était assez en colère contre Aston Martin pour avoir beaucoup plus de roses que ce qu'ils ont eu. Que pour imposer, à mon avis, s'ils ont signé chez Alpine, c'est qu'ils, là, cette fois-ci, ils se sont vraiment assurés de la place qu'ils pourront avoir en termes de pourcentage de visibilité de leur couleur sur la même place, où que ce soit, et quoi que ce soit, ça sera certainement beaucoup plus prépondérant que sur l'Aston Martin, ça c'est sûr. Surtout qu'en plus, ouais, BWT n'était pas content, et en plus, c'était pas le bon rose. Sur Aston Martin aussi, car le rose de BWT est beaucoup plus clair que ce qu'ils avaient mis. Mais bon, c'était vraiment voilà. Du coup, une voiture rose et bleu, finalement, c'est la Racing Point de 2019. C'était pas très glorieux, mais ça allait encore. Le bleu était plus foncé, mais C'est la Brabham de 92 aussi. Ah bon, la Brabham de 92 avait aussi 12 autres couleurs et voilà, mais c'est ça, il y avait au milieu aussi. Il y avait tout, hein. Bleu foncé, c'était quelque chose. On se faisait plaisir, mais voilà, c'est. C'est les idiots qui le disent, ils ont une surface importante, le fond plat. Ce serait tellement incroyable qu'une équipe qui a. Mais regardez, imaginez. En cas de tonneau, ça passe. Voilà, départ de Grand Prix, accrochage, tonneau, BWT. Ça donne pas envie, là. Après, faut trouver le sponsor qui dirait oui. Hein. BWT, on a l'air quand même de vouloir être vu plus souvent qu'une fois par saison en 4 tonneaux. Donc, Rich Energy pourrait dire oui. Rich Energy pourrait dire oui, moi, je pense. C'est sûrement. Serait prêt. Il serait prêt à retourner là-dessus, je sais pas. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai peur de ce que ça peut donner, hein, parce qu'on sait qu'une livrée, surtout que la livrée de l'Alpine l'année dernière était quand même extrêmement réussie. C'était une vraie grande réussite cette livrée. Quid aussi du coup, du côté, vous savez, le côté engagement au WEC aussi, parce qu'il y a une équipe, Alpine aussi en championnat d'endurance, et elles avaient la même livrée. Mis à part les sponsors qui étaient différents, là maintenant ça c'est un peu plus compliqué. Ah, vu l'exposition que prend le WEC avec le Mans, c'est pas possible que BWT rajoute 5 ou 10 millions et aille aussi au Mans. Hein. C'est vrai. Ça peut être un package commercial que Alpine vend à BWT, donc pourquoi pas. Et il est très bien dit en F2 aussi, oh, bon, tant qu'on y est, allez, BWT ils vont venir, allez, c'est bon, venez, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils veulent être présents, ils le sont, parce que quoi qu'il arrive, même si ça venait pas se faire avec Alpine, ils restent aussi sponsors officiels de la F1, donc ils seront quand même sur les murets des Grands Prix. Donc, oui, ils seront sur les panneaux. C'est un sponsor qui veut être partout en sport auto. Ils sont sur les panneaux 1, 2, 3 aussi, à l'arrivée des qualifs et de la course. C'est ça exactement. Donc, et puis sur le casque de Sébastien Vettel aussi. Même si là, ça peut peut-être commencer un peu à coincer. Il faudra voir les différents. Mais il a un contrat perso avec, je crois. Oui, c'est ça. Il a un contrat perso. Bah, alors peut-être que le contrat perso était facilité par son arrivée chez Aston Martin, le fait que BWT reste. Enfin, tu vois, ça peut être un peu. Parce qu'imaginez. Bon, ça va que chez Aston, ils ont, je pense, suffisamment de sponsors pour ne pas être sur la paille sans la manne de BWT. Enfin, ça doit être quand même un peu bizarre d'arriver et de voir ton ancien sponsor sur le casque de ton pilote numéro 1. Ça peut être un petit peu compliqué. Alors, ben, ils croisent bientôt une Alpine de série, elle est sur BWT. C'est ça, ils vont sortir un rose BWT sur toutes les A110 maintenant. Les A110 de la gendarmerie seront roses également. ça devient énorme, mais à voir, hein, évidemment, ce que ça va donner. Ça peut quand même être joli. Moi, je garde confiance. Les Renault n'étaient pas mal. Français maintenant tout ça. Hein. Première voiture le 10 février. Donc, ouais. On rappelle, Aston Martin AMR22, c'est le 10 février. Le 11, c'est McLaren, il me semble. Ça. Le 17, Ferrari. Et le 18, Mercedes. Voilà, donc pour les 4 dates qu'on connaît déjà sur les 10 présentées. Est-ce que vous ne sentez pas venir le coup de certaines voitures qui seraient présentées simplement à une livrée sur la F1 générique? Si, alors ouais, alors j'ai entendu parler de ça aussi, et j'ai entendu parler effectivement que la FOM, alors bon, si on parlait de ces fameux essais privés de Barcelone, qui seront peut-être tellement privés que personne ne verra quoi que ce soit. Il y aura David et Brivio, mais on le verra pas. parce que ce sera diffusé nulle part. C'était lui qui dirigeait les essais privés, c'est la seule séance où on le verra pas. Ouais, donc voilà, donc pour nos chers fans qui, on sait qu'ils sont beaucoup de Français, aller à Barcelone pendant, pour les essais privés, alors quand il y a eu le Covid, c'était pas possible, mais voilà, mais pour les essais privés, aller à Barcelone voilà, pour 10€, 15€ la journée, peut-être un peu plus cher maintenant, pour aller dans toutes les tribunes, voyager comme on veut, prendre tous les points de vue possibles et imaginables et voir des fins qui tournent constamment non-stop toute la journée, c'est royal. Donc moi, j'encourage toujours les fans à aller voir des essais privés pour découvrir la F1. C'est vraiment là où vous en prenez plein la vue pour le minimum d'argent. Sauf que cette année, a priori, et c'est même assez sûr, les essais privés de Barcelone seront à huis clos. La raison officielle, c'est que le Covid, voilà, en Europe, ce serait ça. La raison non officielle, c'est qu'on voudrait empêcher les fans de prendre des photos et surtout des vidéos depuis le bord de piste, puisqu'il n'y aura pas du tout de couverture télévisuelle de ces essais à Barcelone, puisque tout dispositif doit être emmené à Sakhir pour les essais numéro 2, plus après la course. Donc ça veut dire uniquement, il y aurait peut-être quand même un petit résumé vidéo de quelques minutes qui serait diffusé par la FOM en soirée de Barcelone. Mais on a effectivement entendu dire que la FOM ferait pression pour que les F1 qui tournent à Barcelone seraient dans une livrée neutre ou très assez différenciée de la livrée définitive des équipes réelles. Donc est-ce que c'est une vérité, est-ce que c'est une rumeur pour garder effectivement le côté les vraies voitures avec les vraies livrées en piste pour Bahreïn, qui mettrait effectivement un petit paquet de millions de dollars sur la table pour avoir la primeur. Voilà, c'est voilà ce qui se trame. Pour l'instant, on ne sait pas si les journalistes pourront être accrédités à aller en salle de presse. Et on a même posé la question à notre photographe, notre agence de photos, puisqu'il y a plusieurs photographes, qui pour l'instant ne sait toujours pas comment ça va se passer pour eux à Barcelone. Ce qui serait fou. Ce qui serait complètement dingue qu'on n'ait pas le droit. Enfin, imaginez, ce serait incroyable. Alors, J'ai lu aussi en termes de rumeurs, ça va voir, qu'Alpine justement se présenterait là-bas avec sa voiture mule encore, hein, son mulet pour les pneus 18 pouces et de présenter la vraie voiture qu'à Bahreïn. Je suis quand même pas. 3 jours d'essai avec la nouvelle voiture, ça me paraît peu quand même. Hein. Surtout quand on la prépare depuis plus d'un an, hein, puisque ça fait depuis un paquet de temps qu'ils sont dessus. Alors ça veut dire que oui, il y a eu un gros loupé côté usine et il y a peut-être pour ça aussi des têtes qui ont sauté. Qui sait. Si c'est le cas, moi je vois effectivement, je pense qu'il y a un vrai souci là, parce que c'est pas, ça ne doit pas être le plan quoi. Elle plane pas. Ah, c'est ça, c'est que tu peux pas. Enfin, quel que soit, il y a tellement d'incertitudes, tu peux pas aller sur un Grand Prix, sur des essais hivernaux avec une vieille voiture et puis venir au suivant en disant bah ça devrait aller, parce qu'en fait personne sait où en sera sa voiture par rapport aux autres équipes et ils peuvent pas se fier juste aux simulations en disant non mais nous on sait pas combien on fera à Barcelone. On voit à peu près combien font les autres, et puis on voit si on est dans les temps, quoi. Donc, je ne sais pas, ça paraît une rumeur assez alambiquée, et j'ai du mal à croire que Alpine jette 3 jours d'essai, comme tu dis, par la fenêtre. Après, pour la F1 qui verrouillerait les essais de Barcelone, je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied quand on voit la popularité de la F1, la communication qu'on fait sur cette saison 2022, qui doit être le grand nouveau, la grande nouveauté et le grand renouveau de la F1. Et puis en fait, la première chose qu'on fait, c'est verrouiller les 3 premiers jours d'essai que tout le monde attend avec impatience. Donc, si ça se fait vraiment comme ça et que les équipes n'ont pas leur voiture définitive ou pas leur livrée définitive, en fait, on se demande même pourquoi faire les essais de Barcelone. Enfin, c'est ridicule, autant faire 6 jours à Bahreïn, quoi. Comme ça, on fait 6 jours à Bahreïn avec 3 jours de pause au milieu, le matos est déjà là-bas, et puis on fait tous les tests comme ça. Donc, j'ai du mal à comprendre l'intérêt et j'ai du mal à comprendre ce que fait la F1 avec ça. On dirait la F1 au temps de Bernie Ecclestone où on n'avait pas le droit de prendre une vidéo ou de poster une vidéo sans se faire directement bloquer. Donc j'ai du mal à comprendre. Et effectivement, par contre, je pense que pour les présentations elles-mêmes, les équipes vont sûrement montrer les voitures très camouflées avec. On ne verra pas les devants des entrées de. Comment ? Soit ce sera carrément les modèles de la FOM, comme tu dis, soit on ne verra pas du tout le diffuseur, pas du tout l'arrière, soit on ne verra pas les entrées d'air des entrées sous les pontons. Et plein de choses comme ça, parce qu'ils n'auront aucun intérêt à montrer leur nouvelle voiture avant d'apprendre la piste. Moi, je le sens. Je le sens comme ça, parce que quel intérêt aurait Mercedes à avoir la voiture de la FOM ? Parce que, qu'ils fassent des 3D, je comprends, mais pourquoi ils ont, et je pense que ça va être le cas des autres équipes aussi, pourquoi ils ont le modèle physique ? Il y a eu une photo, effectivement, j'ai vu une photo que je n'ai pas encore réussi à savoir d'où elle venait exactement, qui l'avait prise, mais on voit environ 5-6 maquettes grandeur nature, donc 1-1, de la voiture de la FOM, en fait, dans un avion et dans une soute d'avion. Donc, j'imagine qu'ils en ont livré une à chaque équipe pour des trucs commerciaux. Donc, après, est-ce que c'était le moment où ils ont fait le travail sur les livrées 2021 sur les voitures 2022, ou est-ce que c'est juste pour le marketing à venir? Mais effectivement, on dirait bien que cette voiture maquette va servir encore un moment et qu'on ne verra pas tout de suite dans les présentations les vraies voitures. Donc après, quel intérêt aussi pour les équipes de faire venir des gens, des stars et des invités, des sponsors et tout ça, pour finalement présenter une livrée qui ne sera pas utilisée à Barcelone, ou alors utilisée que à Barcelone, et présenter une voiture qui ne sera pas la vraie voiture. Enfin, au bout d'un moment, tout le monde ne va pas y avoir son compte à part la F1. Et est-ce que la F1 a vraiment envie de d'écarter les équipes comme ça? Encore une fois, je ne comprends pas trop l'intérêt. Ça devient très compliqué ces lancements. Déjà, même des années précédentes, on ne savait pas si effectivement c'était la vraie voiture qu'on nous présentait ou si c'était une voiture de l'année dernière avec quelques nouveaux appendices. Des fois, des rendus 3D qui sont tellement réalistes qu'on croit vraiment des photos, et en fait, ce n'est pas du tout des photos, c'est des rendus 3D. La mention spéciale à Red Bull et AlphaTauri qui ont une équipe CGI, tout ce qui est des dédiographismes qui est absolument incroyable, et voilà, qui nous a présenté ce qu'on croyait être des photos qui étaient en fait des rendus 3D. Et la technologie s'améliore de plus en plus et c'est tellement facile de maquiller. Maintenant, le règlement est tellement restreint normalement, les zones de liberté assez petites pour que normalement ils n'aient pas besoin d'autant maquiller que les années précédentes. Puisque, et ce que disent les ingénieurs, c'est qu'ils sont vraiment, il y a vraiment très très peu de marge de manœuvre dans chaque zone où il y a un peu de liberté. Donc je ne verrais pas tellement l'intérêt pour une équipe de trop maquiller, trop camoufler ou de produire des fausses maquettes en résine, voilà, histoire de mettre un faux aileron avant, un faux aileron arrière, une fausse entrée d'air, parce que justement, les zones de liberté sont très limitées. C'est ça, c'est assez. Puis, enfin, je ne sais pas, c'est. Parce que si la FOM veut faire, globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est oui, ils veulent potentiellement faire un grand événement à Bahreïn, une grande présentation, un peu comme ce que fait le rallye depuis quelques années, et ce que WRC a fait récemment. Mais toutes les équipes annoncent déjà des dates, donc du coup tout va être fait avant, donc ça n'a pas intérêt. Moi je suis désolé, la présentation WRC c'était très sympa et heureusement d'une certaine manière que deux constructeurs ont joué le jeu, à savoir Ford avec M-Sport et Toyota, mais la Hyundai elle est sortie, six jours avant, tout le monde l'avait vu, enfin voilà, c'était qu'une redite. Si c'est pour faire pareil, oui, la grande présentation de F1 2022 qu'on a déjà vue avant parce que les équipes l'ont présentée, je sais pas si c'est très... On dirait qu'ils ont vu une espèce d'affluence sur le contenu qui avait eu lieu, enfin, qu'ils avaient fait l'an dernier avec justement les photos de groupe, des équipes, des pilotes, tout ça, qu'ils avaient déjà tenté en 2010, qui avait bien fonctionné, parce qu'on en reparle encore aujourd'hui. Mais en fait, tu ne peux pas tout miser là-dessus et laisser aux équipes juste pas le choix de ne pas faire présentation. Alors qu'encore une fois, les équipes ont des sponsors, des partenaires et tout ça qui veulent voir la genèse d'un projet, la naissance d'un projet et surtout un projet aussi important que 2022. Je pense que les sponsors qui lâchent 20 millions ou 30 millions dans une équipe ont aussi besoin de voir que bah, justement, on les accueille pour leur montrer le projet, qu'ils ont un intérêt à être comme partenaires commerciaux, et qu'en plus, l'argent qu'ils ont donné est bien allé à tel endroit, et voilà, qu'on vienne leur faire un peu les coulisses de tour de l'usine, de la présentation de la voiture, de ce qui a été travaillé dessus, des choses qui sont logiques pour un partenaire commercial. Encore une fois, les sponsors ne sont pas là juste pour faire des couleurs, c'est aussi des entreprises qui lâchent 20 ou 10, ou même des fois 30 ou 40 millions par an, quoi. Donc, la F1 ne devrait pas oublier que derrière ses principaux intérêts, il y a aussi les intérêts de 10 entreprises et de tous leurs partenaires qui représentent parfois beaucoup plus qu'eux. Quoi. On n'oublie pas non plus qu'il y a des budgets plafonnés, donc créer des fausses maquettes, ce genre de choses, ça a un coût qui est inutile, totalement inutile, à moins que la FOM autorise à faire passer ça sous le régime du marketing qui, lui, n'est pas limité. Bon, ça pourrait être la solution. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal d'équipes qui vont certainement rouler en ligne droite ou en test de 100 km. En shakedown avant, et ils ont tout intérêt à avoir une voiture qui est totalement conforme à ce qu'ils vont tester à Barcelone. Donc pareil, je ne vois pas non plus là l'intérêt d'aller traficoter juste parce que la FOM le demande. Maintenant que la FOM verrouille un maximum d'images télévisuelles et, je l'espère pas, photographiques, je peux le comprendre si Bahreïn, effectivement, voilà, ils ont mis le billet de quelques millions sur la table pour ça, quoi. Ah. Mais il ne faudra pas verrouiller tout, quoi. En gros, il faudra limiter peut-être aux fans qui puissent avoir peut-être des photos, quelques voilà, des communiqués et pouvoir interagir en visio pour nous, pour les journalistes au moins interagir en visio à la suite des journées d'essais privés. Qu'on n'en distille pas trop, je peux le comprendre, mais il faudra quand même qu'il y ait quelque chose aussi financé, c'est se tirer une belle dans le pied, quoi. Ah, moi, je vous avoue que si ils interdisent les photographes, je suis à ça d'appeler au boycott des essais. Enfin, c'est un truc, à un moment donné, tu peux pas vendre un biscuit pareil à tout le monde et ne pas le concrétiser. Parce que tout le monde sait qu'ils vont avoir lieu, ces essais. Si à la rigueur, s'ils avaient fait un truc dans le secret le plus total en annonçant à aucun moment les essais de Barcelone, pourquoi pas ? Tu fais Bahreïn, c'est la seule séance officielle, et tu fais 3 jours à Barcelone qui, entre guillemets, n'existe pas pour le monde extérieur. Pourquoi pas ? Enfin, 10 voitures qui tournent à Barcelone pendant 3 jours, ça s'entend quand même. Oui, mais tu sais que mon mélo est très excentré, voilà. Truc incroyable. Non, mais en plus, c'est con parce que ça fait. Il y a eu le Covid en plus, donc qui a tout retardé d'un an. Et au final, ça fait quand même 2 ans et demi, puisque ça date d'octobre 2019, qu'on nous parle de cette nouvelle ère de la F1. On va rentrer dans quelque chose de totalement nouveau. Les voitures vont être totalement nouvelles, des concepts aéro, techniques, de spectacles bien meilleurs, etc. Et le premier souvenir qu'on aura de cette saison 2022, qui est vraiment une nouvelle page de la F1, comme on en a rarement vu, ce sera au fait les 3 jours où il ne s'est rien passé, parce qu'on ne sait pas exactement qui a fait quoi, sous quelle couleur et quelle voiture et tout ça. Et au final, c'était juste beaucoup de frustration, en fait. Enfin, je comprends pas, je comprends pas que les gens qui sont en charge de ces décisions ne comprennent pas ça. C'est, tu communiques à fond dessus, comme l'a fait la F1, et encore une fois, la F1, je loue sa communication depuis 4 ans, mais quand tu communiques à ce point-là, tu verrouilles pas d'un coup 3 jours comme ça au pif, parce que, sous prétexte qu'un circuit t'a filé 20 millions de plus, quoi. C'est pas... faut que la F1 aussi accepte de faire des choses pas toujours pour l'argent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'argent, on sait, il y a besoin, parce que l'argent repasse aux équipes, etc. Mais je ne suis pas sûr que le bonus de aller 15 ou 20 millions max que mettre à Bahreïn pour ça, j'ai du mal à penser qu'ils mettent plus, soit fasse une grande différence sur la viabilité de la F1 à long terme. Donc la F1 doit aussi parfois sacrifier 1 ou 2 points financiers pour les fans, et parce que, encore une fois, les plateaux sont très chers, les billets sont très chers, et il faut que la F1 accepte que des fois, non, c'est pas dans ce sens-là que ça va, quoi. Et pour moi, c'est un très mauvais signal. Et je pense que s'ils font ça à Barcelone, il y a 2 semaines, je crois, entre les 2 séances d'essai, ils vont passer 2 semaines à se prendre un gros shitstorm avant que les essais de Bahreïn calment un peu les gens. Non, mais vous imaginez, s'ils arrivent à faire ça vraiment à huis clos complet, les 3 jours de rumeurs sans arrêt, parce que vous savez qu'il y aura des cons qui vont décrire des trucs pas possibles à chaque fois. Ce qui paraît, Mercedes, ça collait 3 secondes à tout le monde, mais c'est des infos super confidentielles. Même si avec des photos, ce sera exactement ça, parce que les équipes seront en table ronde médias s'il y en a, sinon ce sera que des communiqués de presse. On sait ce que vaut un communiqué de presse par rapport à ce que pensent les équipes, et du coup, c'est vrai que ça n'a pas de sens, quoi. Et encore, comme le dit je sais plus qui dans le chat, c'est Games from Jurassic, je crois. Non, bref, une exclu F1 TV aurait été intéressante, parce que finalement, tu dis ok, on verrouille tout, mais par contre, vous pouvez regarder les voitures tourner quand même, avec un abonnement au pire pour les gens qui veulent juste prendre pour les essais privés, tu fais payer 3 balles et puis voilà, quoi. C'est pas scandaleux, et ça pourrait marcher. Mais là, c'est vrai que je comprends pas, il n'y a aucune démarche logique dans ça, quoi. Oui, surtout plus... qu'ils ont les moyens d'installer des caméras sur deux circuits. Je veux dire, il y a des circuits qui, on enchaîne 22 courses ou 23 courses par an, des circuits à une semaine d'intervalle. Là, on est à plus de 15 jours d'intervalle entre les deux. Je pense que si la FOM avait voulu mettre un petit peu d'argent pour couvrir un peu mieux Barcelone, on aurait eu une couverture totale de Barcelone et de Sakhir. Et réserver peut-être un show spécial à Sakhir, effectivement. C'est, s'ils veulent mettre un peu plus d'argent pour un show, pourquoi pas, c'est l'endroit, mais tu peux pas priver la Formule 1 de ça. Après, l'année prochaine, on ne sera pas obligé de rouler à Barcelone, on pourra tout faire à Sakhir si on veut faire à Sakhir, puisqu'on connaîtra les nouvelles Formule 1, les nouvelles règles, les nouvelles mots de place, on saura à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de souci, on pourra se passer de Barcelone s'ils ont envie. Mais pas cette année. Voilà, puis en fait, si tu veux faire un truc en ne distillant rien, tu fais effectivement un truc à F1 TV. Tu t'arranges avec le réalisateur, tu lui dis écoute, tu passes pas plus de 15 secondes par voiture, enfin tu vois, tu évites d'avoir un tour complet pour qu'il y ait des malins qui chronomètrent, ainsi de suite. Enfin, tu peux faire des artifices si tu veux pas que les performances soient révélées ou quoi que ce soit, mais je sais pas, c'est. Mais Fred, même en fait, c'est que pour 2 semaines, quoi. 2 semaines après, on saura ce qu'il en est de toute façon. Donc, Frédéric nous dit ce sont peut-être les équipes qui ont fait pression pour ne pas dévoiler leurs trouées aux concurrents. C'est une thèse délirante. C'est-à-dire que les équipes, elles sont pas contentes parce que ça va leur faire beaucoup moins de revenus, en fait, de ROI, de retour sur investissement. Parce qu'en fait, comment vous calculez un sponsor ? Comment ça se passe ? En gros, le sponsor vient, il met de l'argent, et tout au long de l'année, vous lui envoyez un rapport, en fait, de retour sur investissement. En gros, c'est quelque chose qui dit au sponsor, vous avez donné tant, et évidemment, ça ne leur apporte pas de l'argent direct, mais avec tant d'impressions, on calcule selon le nombre de médias qui en ont parlé, le nombre d'activations qui ont été faites, et ce genre de choses-là. Tu fais 3 jours sans voir le nom de la voiture et sans voir les noms des sponsors, tu perds tout ça. Et puis, de toute façon, C'est malheureusement, c'est pas trois jours où les équipes vont se succéder sur des créneaux de 20 minutes chacune, c'est trois jours où elles sont toutes là. Donc si tu veux voir une trouvaille, bah, tu prends des jumelles si tu es de l'autre côté de la pit lane, tu regardes facilement les autres voitures. Donc c'est pas comme ça que ça, voilà, que ça fonctionne. Donc les équipes n'ont pas du tout fait pression. C'est que deux semaines, c'est qu'il n'y a personne qui va en deux semaines changer la face du truc. Il n'y a aucune équipe qui aura le temps en deux semaines de développer quelque chose de fondamentalement nouveau en ayant vu une trouvaille sur une autre voiture. Il peut y avoir en deux semaines la création d'une autre voiture comme le Mercedes l'avait fait, où tu viens avec une espèce de version A en ayant déjà la version B dans les cartons et qui a juste le temps, enfin, qui a juste besoin de deux semaines de plus pour être fabriqué. Mais il n'y aura pas une équipe qui va arriver à Barcelone et dire ah oui, putain, ils ont fait comme ça. Et à Bahreïn, il aura la même solution. Ou alors, c'est une solution qui n'est pas très importante et pas très révolutionnaire, et auquel cas tout le monde peut la copier, mais ça veut dire que c'est pas une solution qui apportera deux secondes au tour. Donc il n'y a pas d'intérêt. Je vais vous dire qu'il y a une bonne entreprise de photocopie du côté de Woking. On peut prendre des choses. Ça fonctionnait pas mal. Non, mais c'est 900 pages, ça marche pas mal. Ouais. C'est... Puis en plus, il y aura des shakedowns. Donc les shakedowns, c'est l'occasion de faire les premiers contenus médias et de faire d'ailleurs tous les contenus médias pour l'année. Pour ensuite les redistiller en vidéo et tout ça, là tu peux, enfin je sais pas, ça va être un peu bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Parce que effectivement notre ami Paul qui lui est toujours envoyé spécial à Ouagadougou. Qu'est-ce que tu en penses, Paul, de toutes ces belles choses, ces réjouissances? Ah, on t'entend plus de nouveau, Paul. J'ai pas vu ses lèvres bouger, moi, donc je sais pas si. C'est moi, j'ai vu. Là, vous devriez m'entendre encore. Ah, pas oui, pour le décalage. J'ai eu deux leçons pour éviter de vous polluer quand vous parlez. Non, mais vous avez tout dit. Ce serait quand même incroyable la nouvelle ère de la F1 qu'on annonce depuis, comme tu l'as rappelé, 2 ans et demi maintenant. D'arriver, la première impression qu'on donne aux fans, ce serait d'avoir aucune image, aucune vidéo. Ce serait quand même vraiment se marcher sur la tête. Mais bon. Donc ouais, j'espère qu'ils trouveront une solution pour faire un maximum d'images, histoire qu'on ne commence pas la saison sans rien, quoi. Ce serait dommage. Et puis à voir. Pour le coup des monoplaces qui pourraient ne pas être les vraies, présenter juste la nouvelle livrée. À voir. Je crois qu'une fois en piste, comme vous l'avez dit aussi, ils ont tout intérêt à faire rouler leur nouvelle monoplace tout de suite. Ils ont en gros deux petites semaines d'essai pour une voiture complètement nouvelle qui va faire toute la saison. Donc, je verrais pas l'intérêt d'amener une voiture qui ne sera pas la future. Et puis Barcelone, bah écoutez, on verra bien. Hein. J'espère qu'on aura, à défaut d'une couverture télé, au moins des photographes qui auront accès au circuit et qui ont quelque chose tous les soirs à se mettre sous la dent, parce que sinon, ce serait quand même bien triste. On va voir ce que ça va donner, mais ce serait, enfin, je sais pas. Je crois que c'est Xuan qui a dit le mode parti communiste chinois. C'est vrai que c'est assez étonnant en 2022 sortir un truc comme ça, mais c'est vrai que c'est, enfin, les équipes ne sont pas contentes. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, et la FOM, à mon avis, va devoir lâcher du lest là-dessus, parce que c'est pas. Qu'est-ce qui empêcherait les équipes de faire une fronde? Alors bon, enfin si. Qu'est-ce qui les empêcherait? Le fait que les 10 équipes n'ont jamais réussi à être en cohésion totale sur un sujet auparavant, mais de faire une fronde totale et de dire « Ok, pas de souci, nous, tous les jours, on mettra tous les jours des photos prises par les téléphones, machin, n'importe comment, on en mettra 300. » Sauf que ces photographes-là sont accrédités par la FOM, donc ils sont... Oui, non, mais si tu dis avec des téléphones, par exemple, par les gens, dans l'équipe, directement, ouais. tu mets des gens en plus. Les photos des réseaux sociaux, en fait, je peux pas croire que les équipes vont pas avoir le droit de communiquer comme on le fait. Encore une fois, les vidéos ou les photos des premiers tours de roue officiels des voitures et tout ça, c'est devenu une tradition depuis les réseaux sociaux. Et en fait, ça me paraît fou que pour aujourd'hui, ce serait pour faire plaisir à un circuit, on dise aux équipes, non, vous ne faites pas ça. Enfin, si les équipes acceptent tout, je ne comprends pas, parce que je veux bien croire qu'il y ait de l'argent en jeu, encore une fois, mais bon, ça qui est, ils ont déjà 3 jours d'essai privé, une course sprint, la course d'ouverture de la F1 et de la saison, ça va, quoi. Ils ont eu 2 courses en dernier, avec 2 circuits différents, je veux dire, ils sont déjà bien placés. Au bout d'un moment, il faut aussi laisser la place un peu au sport, quoi. Donc, je serais vraiment, vraiment surpris que les équipes acceptent ça et ne communiquent pas dessus. Et autant les shakedowns, on risque pas grand-chose, parce que justement, je pense que les équipes voudront rien montrer. Une fois qu'ils seront dans la pit lane avec les 10 garages remplis des voitures différentes et que ce sera les vraies voitures, puisque de toute façon, ils n'auront pas le choix que de faire rouler leur modèle 2022 pour apprendre des voitures et pour avoir des confirmations et du travail dessus, il n'y aura plus de problème à ce qu'il y ait des photos qui circulent, puisque de toute façon, les équipes adverses les verront. Donc, j'ai du mal à penser qu'il n'y aura pas de fuite organisé ou non, en fait, de ce genre de choses, quoi. On va voir effectivement ce que ça donnera. On espère quand même, voilà, que ce soit pas, que ce serait con de commencer sur une polémique, un truc un peu, voilà, une désillusion. N'oubliez pas que la F1 gagne énormément de fans, notamment grâce à Netflix. Si d'un coup, je pense que ce sont justement des nouveaux fans. Attention, ce n'est pas une critique, hein, ce que je dis, mais c'est une explication. Ce sont des fans qui ont l'habitude justement d'avoir beaucoup de contenu. Tu regardes une saison de Drive to Survive, c'est la norme en fait quand tu découvres la Formule 1. Nous, on trouve ça incroyable, hein, d'entendre Kevin Magnussen péter une porte. Nous, c'est un truc. Nous, on a vécu la F1 sous Bernie Ecclestone. Je peux te dire que voilà, c'est le meilleur truc de toute la saison. Mais pour les gens qui découvrent la F1 via Drive to Survive, c'est logique pour eux. Et soudainement leur dire bonjour, vous ne verrez rien. Faut pas oublier que la F1 elle-même est dans une ère de surcommunication. Il y a quelque chose comme 70 ou 80 vidéos qui sont publiées chaque week-end de Grand Prix sur leur site, avec les interviews des pilotes, avec des résumés de chaque jour, avec des comparaisons, des on-board et tout ça. Alors, je te dis 80, je te dis, c'est même plutôt 100. Ils ont des réseaux sociaux hyper actifs. On a plein de stats et tout ça. Il y a AWS qui communique dessus. Les équipes ont le droit. Il y a des retweets dans tous les sens et tout. Les fans aujourd'hui sont abreuvés de contenu. Et c'est devenu la norme très rapidement depuis Netflix. Donc, parce que beaucoup, c'est Drive to Survive qui a commencé à ça, comme tu dis. Et là, aujourd'hui, en fait, quel fan ancien, puisque du coup, nous, on s'adapte aussi, ou nouveau, qui lui ne connaît que ça, va accepter que bah, pendant 3 jours, on sache qu'il y ait des F1 qui tournent, mais qu'en fait, on en est genre quasiment rien. Je veux dire, c'est ouais, comme je lis plusieurs fois dans le chat, c'est une décision incompréhensible. Et je pense que personne ne sera à même de la comprendre s'il n'y a pas un minimum d'explication concrète et entendable de la FOM ou de la F1. Ouais, ça va être très difficile de. Alors, si le but c'est vraiment de dire OK, tout est verrouillé, vous n'avez strictement aucune image, vous n'avez aucune info, aucune interview, aucune visio, quoi que ce soit, il y aura forcément des choses qui vont sortir avec des gens qui iront en bord de piste, qui chercheront à se faufiler sous les grillages. Il y aura forcément des choses qui vont fuiter. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire tourner pendant 3 jours. 10 équipes de F1 sans qu'il y ait rien qui sorte, c'est pas possible. Et donc, je pense pas que ce soit la bonne. Alors, si c'est ce que la FOM veut, elle peut l'imposer en termes officiels. Je veux dire, on n'aura pas de jolies photos, on n'aura pas d'images au zoom 300 mm avec un Canon 1D 30 mégapixels qui vous fait une photo de fou sur le côté, mais on aura des trucs dégueulasses qui sortiront, voilà, parce qu'il y a un pelé espagnol qui s'est mis à la courroie de la Caixa parce qu'il a réussi à souffler sur le grillage et à passer la sécurité. Et voilà, on va voir que ce genre de petits trucs et ça va être frustrant pour tout le monde. Et on en revient à la question. Alors, on revient à ce qu'il disait Michael, il aurait mieux fallu ne pas dire que ces essais allaient exister, quoi, en fait. Et là, on en revient à la question fondamentale, quel sport et quelle entreprise, en tant que, enfin, pour ce qui est des équipes, préfère avoir justement 3 images dégueulasses plutôt que des centaines d'images hyper propres des nouveautés, quoi. Enfin, ça va forcément amener quelque chose qui va finir par nuire à la F1, hormis sur le plan financier, puisque le chèque de Bahreïn derrière arrivera certainement pour ces exclus-là. Mais encore une fois, il y a un moment, il va falloir lâcher du lait sur le fric aussi, parce que oui, il y en a besoin en F1. La F1 est un sport qui coûte très cher, mais non, ça ne résoudra pas tout. Et encore une fois, ils ont des multiples canaux pour faire de l'argent à côté. C'est très difficile de construire une réputation, c'est très facile de la défaire. Donc là, je pense qu'effectivement, la FOM se tire effectivement une balle dans le pied. Si c'est comme ça que ça doit se faire, je pense qu'ils vont entendre parler et on aura un petit Rose Brown tout penaud qui vient de dire « Ah, on n'y avait pas pensé. » Franchement, on n'imaginait pas que les fans de F1 ils seraient tellement impatients de voir comme ça. Ah non, c'est pas du tout ce qu'ils diraient, Franck. Oh là là. Non, non. Moi, j'ai passé 3 jours super. Voilà. Rose Brown, il va arriver. Il va te dire si cette Barcelone était vraiment la chose à faire. Les fans ont adoré ce nouveau système de ne rien vous montrer. C'était vraiment formidable. C'est évidemment ça qu'il va faire, Rose Brown. Sur son panel de 3 fans qu'il aura interviewé, à savoir Stefano Domenicali, Michael Mesi, qui est passé par là, et Fernando Alonso. Et Ben Sulayem. Qui lui reconnaît aussi qu'il n'a plus rien à foutre. Il va passer 2 semaines ensuite. Vous verrez à Bahreïn, ça va être trop bien. En fait, c'est Kevin Raikkonen qui va gérer la communication sur les réseaux sociaux. Et donc, à la fin des 3 jours, il mettra une photo avec I was in Spain et voilà. Et ce sera le seul truc d'F1 2022. Genre Cars, juste Cars avec hashtag F1 et c'est tout. Truc incroyable qui fera 8 millions de likes parce que oh mon dieu, oh là là, c'est incroyable, c'est disruptif. Ce qu'il dit, c'est incroyable. C'est enfin vraiment, mais. Où va-t-on, mesdames et messieurs? Où va-t-on? C'est incroyable. C'est le plan de la FOM. Ça va être. Ou alors Isidure, si ça se trouve, c'est Isidure qui a raison. Ils vont faire 3 jours de simulateur. En fait, c'est ça. Personne ne va aller à Barcelone. En fait, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de. C'est virtuel. Ça va être sur iRacing. Ils vont avoir les voitures toutes mises dans le jeu. Voilà, ils vont se débrouiller. Et puis, ils vont faire une fausse course en ligne. Comme ça, Michael Mézi pourra prendre des décisions qui ne seront pas très graves. Puisque ce sera du virtuel. Et puis, voilà. Ça se passera. Pour tester le nouveau directeur de course voilà, en sim racing. Et surtout, Ross Brawn dira que c'est super. Ça, mais oui, cool. Mais vous vous rendez pas compte que c'est l'avenir de la F1. Il y aura 8 courses virtuelles dans la saison qui compteront. Le vendredi, la veille des qualifs à sprint. Non, mais si on met tous les simulateurs des équipes en ligne ensemble, on sait que Haas sera 10e puisqu'ils n'ont pas de simulateur. Ils rouleront avec un Logitech G29. Et puis, Non, ce sera Mick Schumacher qui sera sur un tapis de course sur Zwift en même temps. Parce que voilà, on vit un peu. Puis voilà, quoi, ils seront à pied. Hein, bonne dame, on fait ce qu'on peut quand on a ça, pas de signe. Ça reste de l'entraînement. Hein. Voilà, ça, il fera du sport, il fera même peut-être plus de sport que les autres. Donc il n'arrivera plus à futer à la première course. Elle plane, c'est peut-être chez Haas qui se déroule. En tout cas, bon, bah, on verra. Enfin non, on verra ou pas. Hein, du coup, c'est premiers essais. Hein, c'est dans un petit mois maintenant quand même hein, que c'est censé débuter, mais on attendra plutôt les essais de Bahreïn qui eux seront voilà la grande fête de la F1 parce que Bahreïn l'a déjà annoncé hein, d'ailleurs ils ont dit ils s'annoncent comme étant quasiment la seule séance d'essais privés donc Et moi c'est un peu ce qui m'inquiète entre la communication de Bahreïn et l'absence de communication de la F1 parce que là il y a plein de gens enfin des rumeurs qui montent on sent que ça commence à parler autour de ça et la F1 fait la muette et généralement quand la F1 ne dit rien c'est que la F1 n'a rien à dire d'intéressant et n'a rien à rassurer donc j'ai un peu peur qu'on aille quand même vers quelque chose du genre. Nola qui dit, nommez au moins un live timing par pitié. Bah, le truc, c'est que le live timing n'a jamais été officiel. Y a toujours eu uniquement un live timing non officiel. Quoique, peut-être que cette année quand même. Si cette année, on avait un vrai live timing. Ouais, on avait un vrai live timing. Ouais. C'était la première fois. Parce que l'année d'avant, ils avaient testé F1 TV pour la première fois. Sur une seule semaine, sur les deux d'ailleurs. Mais pour tout vous dire, le live timing à l'époque, ça, je pense que vous l'avez connu, messieurs, mais c'était un truc. T'avais. Alors, ou c'était les gens qui étaient sur place, donc eux, ils avaient un écran dans la salle de presse et ils te notaient les temps, ou alors, et ça, c'était formidable, t'avais un site néerlandais qui avait réussi à hacker le système de timing à Barcelone, il récupérait toutes les données en temps réel et tout le monde se basait dessus. Enfin, c'était incroyable. Et c'est vrai que, Lobby, cette année, on a fait sur NextGen un live Twitch, pour les journées d'essai privés. C'est vrai qu'avec le vrai live timing et en plus avec F1 TV, on était bien. Autant vous dire que je vous l'annonce en primeur ici, du coup, il n'y aura sans doute pas de live pour Barcelone. Parce que... On va si. tu me fais un « on voit rien ». Et tu répètes ça en boucle et tu lances un looper. Non, ou alors j'ai le droit de totalement inventer ce qui se passe. mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. Et de vous dire qu'Alonso... On voit rien, répéter pendant 9 heures, c'est parfait. Sur trois journées complètes, ça va être tendu d'avoir de l'imagination quand même. Bon, t'en fais pas. La première journée, je passe sur Fernando Alonso en boucle avec des temps incroyables. Ils viennent battre le temps de la pole de 2021 quand même. Est-ce qu'on est en train de se rendre compte de ce qui se passe? Le deuxième jour, on en fait un peu sur les autres. Et le troisième jour, c'est un best-of. Voilà. Et puis, ce sera très bien. Ce sera excellent. Bon, en tout cas, messieurs, je pense qu'on a fait une bonne émission de rentrée. Hein, et j'espère que le chat, vous l'avez également apprécié. Cette émission de Grand Prix, on va vous laisser. On se retrouve dans 2 semaines. Du coup, on va adopter un rythme. On rentre tranquillement, et puis de toute façon, à partir des premières présentations jusqu'à la fin de saison, le 27 décembre à peu près, on va être là tout le temps. 36 semaines plus tard. Voilà, avec 36 courses comme en NASCAR, on va faire très clairement ce qu'on peut. Hein. Donc vraiment, merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été là. Merci Paul d'avoir été là depuis l'autre bout du monde. Hein, on espère que voilà, tout s'est bien passé pour toi. Merci. Et puis on se retrouve très vite, les amis. Retrouvez-nous également jeudi pour le Racing Café. On parlera de Formule 1. Je pense qu'effectivement, quand vous avez de toute façon un patron d'équipe qui fait un doigt sur les photos officielles, on sera forcément se retrouver dans le Racing Café d'une manière ou d'une autre. Hein, vous commencez à connaître les personnages. On parlera aussi du Rallye Monte Carlo qui débute justement ce jeudi. Donc on vous fera un petit live en même temps parce que je pense qu'il y a des spéciales déjà jeudi soir. Donc il y aura de quoi dire avec cette toute nouvelle ère également du rallye. Et d'ailleurs, ils vont faire comme la Formule 1, Franck, puisque c'est une nouvelle ère pour le rallye mondial avec les voitures hybrides, mais il n'y aura pas d'image. Pendant 3 jours, on ne saura même pas. On ne saura même pas que ça existe. Le rallye Monte Carlo. Et à la fin, il y aura un résultat. On parlera du proto Peugeot aussi, puisque Il y a certains prototypes Peugeot qui a tourné. Je laisserai l'équipe du Racing Café vous parler effectivement de la Peugeot de Fix8 en tête. On s'en chargera. Semblerait que ce fut une news importante aujourd'hui. Moi, je sais pas, j'ai loupé. J'ai loupé ça. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, les amis, d'avoir été là. Merci beaucoup, le chat. Vous avez été très nombreux et ça nous a fait super plaisir. Et pour ceux qui étaient nouveaux, on espère que l'émission vous a plu et que vous allez évidemment vous amuser dans les prochaines. À la prochaine, justement. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Ciao, ciao.